Bonjour à tous qui faites semblant d'être des elfes. À nouveau un podcast Outsider. Alors cette fois-ci c'est encore une nouvelle rubrique hein, parce qu'on avait créativité que j'ai un peu laissé en jachère, game design, jeu de rôle, Magneto, bah pareil qui est en jachère. Enfin maintenant il y a les parties enregistrées sur YouTube. J'ai inauguré les podcasts Milvo et là c'est une nouvelle section, grosso modo une section consacrée à des jeux en règles audio. Alors j'ai déjà fait deux jeux en règles audio, hein, c'est Inforenza Minima et Inforenza, mais ils vont dans la section Milvo. Et donc là c'est une section consacrée aux règles audio, mais pour des jeux qui sont pas dans l'univers de Milvaud. Bon, a priori, ça restera uniquement mes jeux. Donc, bon, je vais surtout faire celui-ci. Puis peut-être qu'il y en aura un sur Dragonfly Motel. Je sais pas si je ferai d'autres jeux. J'ai pas forcément tant de jeux que ça qui valent le coup de faire des règles audio. Hop. Alors, 3. Je. 12 des biberons. Hop. 5, il faut pas se louper. Si je me loupe, c'est foutu. Le biberon, il sera tout raté. 6, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose les règles audio d'un tout petit jeu. Hein, vous l'avez sur Outsider, qui s'appelle Le Témoignage. Alors, c'est un jeu petit par la taille, simple dans ses règles. Je fais quand même des règles audio parce que c'est vrai que les règles, vous allez mettre 5 minutes pour les lire. Hein. Je fais quand même des règles audio parce que je pense que c'est un jeu dont on peut avoir besoin d'un petit peu de sous-texte, un peu d'explication, un peu d'exégèse, comme disent les jeunes, pour bien le comprendre, bien en saisir la portée. C'est un jeu qui représente un certain défi de game design pour ma part. Et donc voilà, j'aimerais vous le partager par le biais de ces règles audio. Donc c'est à la fois bah, finalement pour que le podcast prenne un peu plus de 10 minutes, c'est je vais vous donner les règles, mais surtout je vais jouer une partie en solo sous vos oreilles, ébahies, pour que vous puissiez voir un petit peu le jeu en mouvement. Alors pour le coup, vous allez voir que ça, je pense que ça s'entendra. C'est une partie solo que j'ai déjà un peu préparée dans ma tête. Bon, je l'ai pas vraiment joué, mais j'ai joué des morceaux, je me suis fait des petites idées de scène dans ma tête. Donc voilà, vous allez vous dire, c'est pas forcément le jeu qui permet de faire spontanément ce que je vais réussir à faire en audio là. Notamment parce que j'ai fait deux, trois petites recherches historiques avant de le faire. Enfin, vite fait, hein. Moi je suis pas non plus très très pointilleux sur l'histoire, donc. Mais alors, ceci dit, pourquoi je fais le. C'est censé être un jeu sans préparation, le témoignage. Pourquoi j'ai quand même préparé? Bah parce que, en fait, juste pour vous montrer qu'on a le droit. C'est pas parce qu'un jeu est étiqueté sans préparation qu'un peu de préparation apporte. Enfin, la préparation, ça va quand même apporter quelque chose, quoi. Et en l'occurrence, ces témoignages, c'est un jeu qui peut gagner à être préparé, puisqu'on va explorer un phénomène ensemble. Et ben, à la rigueur, s'il y a au moins une personne, voire même l'ensemble de la table, qui a un petit peu préparé le phénomène à l'avance, je pense que ça peut être que mieux et amener une expérience un plus profonde. Bon, mais en même temps, après, si vous préparez trop, surtout à plusieurs, il y a le risque, c'est qu'il y ait de la frustration. Vous ne réussissez pas forcément à caser tout ce que vous avez envie de faire. Donc, bon, il faut trouver un juste milieu. Donc, le témoignage, quoi qu'est-ce, c'est un jeu de rôle où vous allez jouer des personnes confrontées à une beauté, une horreur ou un mystère qui les dépasse. Alors pour ceux qui connaissent ces jeux-là, c'est un hack de Happy Together de Gaël Sacré, qui est un jeu sur la contemplation. C'est aussi un hack de Sphinx de Fabien Hidvine, qui est un jeu sur la fascination par rapport au secret d'une ruine qu'on explore. Et enfin, c'est aussi un hack d'Innommable de Christophe Beuclet, qui est un jeu d'horreur métaphysique, donc un jeu sur la peur, quoi. Et donc, je me suis concentré sur ces trois sentiments, la contemplation, la peur et la fascination. Et j'ai fait un jeu qui permette à la fois de jouer ces trois choses. Alors pas forcément en même temps d'ailleurs, vous allez voir, hein, c'est plutôt l'une des trois choses à la fois, donc il faut se mettre d'accord au début de la partie. Même si je suppose qu'on pourrait jouer les trois en même temps, hein, mais c'est on commence entre guillemets à aller à la marge de ce que je propose. Mais c'est très bien, hein, si vous pouvez le faire, c'est super. Hein. Surtout que bon, il y a quand même un ADN commun entre ces trois mots, hein, la contemplation, la peur, la fascination. Ça pourrait être les déclinaisons finalement d'un même sentiment, d'être plus justement dans le témoignage que dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on commence? On commence par faire quoi quand on joue au témoignage? Déjà, je pense que c'est un jeu qui... Il vaut mieux expliquer les règles à tout le monde avant de jouer. En plus, vous allez voir, les règles, elles sont simples, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je pense que c'est mieux si on explique les règles à tout le monde avant de jouer. Ça fonctionne mieux, plutôt qu'une asymétrie. Première chose, quand on commence à jouer, on va définir, donc on réunit bon, plusieurs personnes, hein, et on définit ensemble si on va jouer justement. En fait, on va jouer des personnages qui sont confrontés à un phénomène. Et on va définir si ce phénomène, c'est... Alors vous reconnaîtrez pour ceux qui ont joué à Innommable, le phénomène, ça peut être... comment... Ça peut être le... Ça peut être la source, hein, qui est décrite dans Innommable, hein, qui est une espèce d'entité, mais de principe métaphysique qui va mettre à mal les personnages. Ça peut être les ruines et leurs secrets, hein, qu'on explore dans Sphinx, hein, tout comme ça peut être le lieu de départ qui est exploré dans Happy Together, quoi. Et on va définir tout d'abord si ce phénomène, c'est plutôt une beauté, plutôt une horreur, ou plutôt un mystère. Alors, il n'est ni l'un ni l'autre en soi. C'est plutôt comment les personnages vont percevoir le phénomène. Est-ce qu'ils vont le percevoir comme une beauté, une horreur ou un mystère? Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ce qui va quand même, bah, comme vous imaginez, vachement modifier l'ambiance du jeu, eh bien, on doit définir c'est quoi le phénomène en un ou deux mots. Alors, vous avez le droit d'être plus précis, mais le phénomène, lui, la façon dont on appelle le phénomène, ça doit tenir en un ou deux mots, quoi. Enfin, vite fait, quoi. Alors, moi, je donne quelques suggestions. Alors, je vais essayer de vous les lire. J'ai listé l'acte de chair, l'amour. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'amour. Ben, en fait, l'amour, vous allez pouvoir le traiter comme une beauté. Donc du coup, c'est vraiment les personnages voient l'amour comme quelque chose de positif qui les transporte. Ça peut être traité comme une horreur, où en fait, c'est quelque chose qui aliène les êtres, qui les rend malheureux, qui les broie. Ou ça peut être traité comme un mystère. Donc là, j'ai envie de dire, on jouerait des personnes qui sont peut-être à la recherche de l'amour parfait, ou à la recherche d'une... Par exemple, d'une personne qu'ils ont un jour entreaperçue à travers une vitre train et qu'ils espèrent revoir un jour, quoi. Donc là, c'est l'amour mystérieux, l'amour qui se dérobe, ou peut-être des scientifiques qui essaient de comprendre ce qu'est l'amour, comment ça fonctionne. Donc on a la bassesse. Alors bon, si vous jouez la bassesse comme une beauté, c'est que vous avez sans doute un groupe de joueurs un peu bizarre, hein, mais bon, pourquoi pas quoi. La bureaucratie, donc là, la bureaucratie, par exemple, on peut la jouer comme une horreur. Ce serait le cas, par exemple, du procès de Kafka. La complétion, alors la complétion, c'est l'acte de vouloir tout compléter, de finir les choses. De remplir un endroit, ainsi de suite. Ça peut être une conspiration, ça peut être la cuisine. Alors, si l'horreur, si vous jouez la cuisine comme une horreur, par exemple, ça peut être l'histoire de chefs qui se font bouffer par leur passion pour la cuisine. Ça peut être l'histoire d'habitudes alimentaires répugnantes ou encore, pourquoi pas, de cannibalisme. Si vous jouez la cuisine comme une beauté, pour rester sur le cannibalisme, vous allez peut-être plutôt jouer façon Hannibal Lecter, quoi. Ça peut être le corps, ça peut être un dieu. Alors un dieu, ça peut être... Alors là, pour le coup, vous pouvez jouer une expérience mystique qui peut être très positive si vous jouez le dieu comme une beauté ou comme un mystère. un mystère, ça peut être l'histoire d'agnostiques qui justement partent à la recherche de Dieu en pèlerinage. Et vous pouvez jouer comme une horreur. Donc si vous jouez comme une horreur, c'est parce que vous faites de l'horreur métaphysique Lovecraftienne, un peu comme on le fait dans Innommable. Et du coup, le dieu, le phénomène, le dieu, ce serait sans doute un dieu très ancien et malfaisant, quoi, et aussi assez insaisissable. Vous pouvez jouer l'enfance, l'ennui, le feu. Alors, exemple de phénomène un peu plus long que deux mots, être étranger à soi-même. Alors là, j'aurais tendance à le jouer comme un mystère ou comme une horreur, ou peut-être même comme une beauté, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand notre être intime nous échappe et qu'on se découvre, qu'on découvre que je est un autre? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une grande beauté, une rencontre avec soi-même? Vous pouvez jouer un génocide, alors là, difficile de jouer autrement que comme une horreur, quoi, mais ça peut être un mystère, par exemple, un génocide où finalement les noms des victimes seraient tus, où il serait très difficile de trouver des preuves du génocide, voire même très difficile de savoir quelle organisation l'a faite. On peut penser, par exemple, j'ai écrit un jeu qui s'appelle l'Autoroute des larmes, qui se passe en Colombie-Britannique. On constate de façon contemporaine une sorte de génocide féminin. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui disparaissent, corps et âme. Et on peut pas... Alors, c'est très certainement le fait, hein, de plusieurs personnes, de plusieurs tueurs isolés, qui d'ailleurs ne sont pas forcément concertés. Hein. Mais bon, quelque part, on a une sorte de génocide qui serait vu comme un mystère. Alors, si je jouais génocide comme une beauté, je suis désolé, hein, mais c'est que vous êtes vraiment pervers. Hein. Ah, faudra m'expliquer comment vous faites. Alors, bon, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Un génocide, hein, voilà, j'ai quand même voulu qu'on puisse aborder des sujets extrêmement graves. Le Graal, bon, bah, pourquoi pas, hein. Là, ça va être sans doute un mystère, quoi. L'identité d'une personne, l'indifférence, l'innocence. Donc, encore une fois, hein, amusez-vous à hein, prendre des choses vraiment à contre-pied, quoi. Qu'est-ce qui se passe si on joue l'innocence comme étant l'horreur, quoi? La magie, le manque, les mathématiques. Alors les mathématiques, j'ai mis les mathématiques pour jouer le film Pi de Darren Aronofsky. La mélancolie, la mémoire. Bon, la mémoire, c'est un sujet qui m'intéresse et je sais que je voulais aussi faire... pourquoi pas jouer dans l'univers de Milvaux avec le témoignage. Bon, je pense qu'on peut jouer dans n'importe quel univers. Hein. Mais comme la mémoire, c'est un thème important de Milvaux. Un meurtre. Alors le meurtre, vous pouvez jouer comme un mystère, donc ça va être une enquête un peu à la Agatha Christie peut-être. Alors sachant que dans le témoignage, c'est un beauté, une horreur ou un mystère qui vous dépasse. C'est-à-dire que je pense que le phénomène, on l'explicite jamais totalement, on ne fait que le toucher du doigt. Et par conséquent, si vous jouez l'horreur comme un mystère, à mon avis, vous allez jouer des enquêtes, un peu comme dans le film Zodiac ou Memories of Murder, où en fait, les enquêteurs échouent à trouver le meurtrier. Parce qu'ils sont incompétents, parce que le meurtrier est trop fort et plus fort qu'eux, parce qu'ils bénéficient, le contexte rend l'enquête compliquée, ainsi de suite, quoi. Parce qu'ils ont tellement de problèmes, ils sont tellement débordés, que finalement ils n'arrivent jamais à passer assez de temps, pour faire l'enquête. Parce que pourquoi pas, ils se désintéressent de l'enquête. Si vous jouez le meurtre comme une horreur, peut-être que vous allez faire des parties un petit peu comme le film No Country for Old Men. Ou encore dans des frères Cohen, ou encore dans La Brume électrique de Bertrand Tavernier. Où là, c'est marrant parce qu'on a le même acteur qui joue à peu près le même personnage, hein, Tommy Lee Jones, qui joue du coup un policier sur le départ, quoi, vraiment en fin de carrière, qui était finalement témoin de crimes atroces. Et bon, certes, il mène l'enquête, certes, il commet certaines avancées dans l'enquête, mais surtout, tu sens qu'il est désabusé et qu'il est vraiment là, en fait, qu'il arrive toujours trop tard, et que finalement, il réalise que son rôle de flic se borne à constater les dégâts et à annoncer les catastrophes à des proches. Donc, du coup, vraiment, quelque chose de très désabusé. Voilà, donc ça c'était sur le meurtre. Vous pouvez jouer la monstruosité humaine ou la monstruosité tout court, mais j'aime bien la monstruosité humaine, quoi. C'est pourquoi pas faire effectivement jouer ça comme une horreur et faire quelque chose de... Ouais, une histoire horrible, qui soit sans fantastique, mais où il se passe des choses horribles qui sont commises par des personnes très ordinaires, quoi. La mort. Alors, vous pouvez jouer la mort comme une beauté, hein. Ça peut être comme quelque chose de romantique. Pourquoi pas jouer les souffrances du jeune Werther? Pourquoi pas jouer des personnages suicidaires ou montrer tout ce qu'il y a de beau dans la mort, hein, et c'est pas uniquement horrible. Pour jouer la nature, la nourriture. Alors qu'est-ce qui se passe si on joue la nourriture comme horreur? Hein, je vous renverrai la cuisine. Si on joue la nourriture comme beauté, quelque part, on va refaire un petit peu comme le jeu de rôle La Saveur du Ciel de Fabien Hildwyne. La nuit. Alors là, pour le coup, c'est vraiment poétique comme approche. Hein, pourquoi pas jouer effectivement autour de la nuit. L'oubli. Alors j'ai déjà mis la mémoire, mais je pense que si on prend, vous voyez, des fois changer le nom du phénomène. En prenant l'antonyme, à mon avis, ça change beaucoup la direction de la partie, quoi. La paranoïa, la parentalité. Alors, vous pouvez jouer la parentalité comme une beauté, mais peut-être aussi comme une horreur, quoi. Ou comme un mystère, par exemple, on peut prendre l'exemple de parents qui ont des problèmes de fertilité et l'enfant met des années à venir, peut-être ne vient jamais, les démarches d'adoption n'aboutissent pas, et on a une sorte de recherche de l'enfant qui n'en finit pas. Voilà, j'ai mis quoi? La parentalité, la peinture. Alors là, je joue la peinture comme une beauté, mais aussi encore une fois comme une horreur, comme un mystère, quoi. Peut-être l'histoire de peintres qui n'arrivent pas à peindre ou qui n'arrivent pas à atteindre leur grande œuvre. La pierre philosophale, la piété, la ruine, le silence, le temps, la transformation, la vanité. Alors, la vanité, j'imaginais, c'est un peu comme l'ennui, on peut jouer des histoires à la Proust, hein, du côté de chez Swann, des mondanités qui sans fin. Ou on peut jouer des choses sur la superficialité humaine, quoi. Des personnes qui vaquent qui passent beaucoup de temps et de sérieux sur des occupations qui ne le méritent pas. La vérité d'une personne, alors ça c'est un grand sujet. Quelle est la vérité d'une personne? Ça peut être joué comme un mystère, justement, découvrir ce qu'est une personne réellement. Alors pour le coup, le phénomène peut être cristallisé dans une personne, justement, sur laquelle on enquête, si on essaie de savoir quelque chose, quoi. Peut-être qu'on enquête sur la vie d'une star, ou la vie d'un meurtrier, ou. Peut-être qu'on est à l'enterrement d'une amie et qu'on essaye de retrouver ce qu'elle était vraiment maintenant qu'elle est partie. On peut jouer le vide et enfin on peut jouer la vieillesse. Alors vraiment, je vous invite à bon, c'était important pour moi de vous mettre des suggestions. Déjà parce que je pense que ça vous donne de quoi jouer un bon moment. Et puis, ça vous permet de voir un petit peu la variété des possibles. Mais je vous invite en fait vraiment à trouver votre propre phénomène. Notamment parce que je pense que le jeu fonctionne d'autant mieux si toutes les joueuses se sont mis d'accord pour jouer un phénomène sur lequel elles pensent toutes avoir quelque chose à dire. À mon avis, bon, ou alors éventuellement on peut avoir une joueuse qui n'a pas grand-chose à dire sur le phénomène et qui va du coup plutôt jouer soit en bordure, jouer un peu autre chose, quoi, jouer des scènes un peu décalées. Ou alors qui va jouer vraiment le témoin, c'est-à-dire qu'elle va être repliée sur son personnage, et ce sont les autres joueuses qui vont lui faire découvrir le phénomène en incarnant leur personnage, ou en incarnant le décor, ou les figurants. Alors pour mon exemple de partie, alors oui, une fois que vous avez choisi le phénomène, eh bien il faut que vous définissiez le contexte. Alors c'est quoi le contexte? Bah, tout simplement, c'est... Est-ce qu'on joue ici et maintenant, ou est-ce qu'au contraire on joue dans une autre époque, dans un autre lieu, ou voire même dans un autre espace-temps, un monde parallèle, où on peut jouer du space opéra, on peut jouer de la fantasy. Voilà, enfin, vraiment le contexte est évidemment très important, quoi. Donc par exemple, si j'ai pris. Je fais une histoire à la innommable. On a défini que l'horreur, c'était, on a joué une horreur et que c'était un dieu très ancien qui allait maltraiter les personnages. Et comme contexte, on décide de jouer dans l'après-guerre et on joue des comment des journalistes et des écrivains maudits qui se saoulent parce qu'on a envie de faire un truc à la Hemingway, par exemple. Et il va être confronté à une horreur métaphysique et personne ne va les croire. Ils s'avéreront incapables d'écrire dans leurs rapports, dans leurs articles, incapables de rapporter ce qu'ils ont vu et finalement ils vont essayer de fuir. Ils vont essayer de fuir dans des Cadillacs et des Bentley. Ils vont fuir à travers la voie rapide d'état en état, espérant échapper à ce qu'ils ont vu, mais sachant qu'ils ne le feront jamais tout à fait, parce que même si le Dieu n'est plus là, il reste dans leur mémoire. Donc pour mon exemple de partie, j'ai élaboré en fait, imaginons qu'il y a trois joueuses. Fictive, hein, parce que du coup c'est moi qui ai joué la partie, que je voulais jouer la partie tout seul. Hein. Mais imaginons qu'en fait il y a trois joueuses, elles se sont mises d'accord sur un phénomène. C'est des joueuses qui sont assez habituées au jeu de rôle, et notamment elles s'intéressent pas mal aux théories de game design en jeu de rôle. Elles se sont intéressées à un point de game design qui est assez polémique. Qui s'appelle le vertige, je vais y arriver, le vide fertile. Le vide fertile, c'est une théorie d'un auteur de jeu de rôle qui s'appelle Vincent Baker. Et il dit en fait qu'il y a certains jeux de rôle particulièrement bien conçus, on va dire. Alors là, déjà, je suis dans l'exégèse du vide fertile parce que c'est pas ce qu'il dit. Grosso modo, le vide fertile, ce serait une caractéristique de certains jeux. Où il y aurait un ensemble de règles discrètes qui pousseraient les personnages dans une direction, mais vraiment sans trop le montrer, quoi. Une règle pousse les personnages dans une direction, où ils vont rencontrer une autre règle qui va les pousser dans une autre direction, où ils vont rencontrer une autre règle qui va à nouveau les pousser dans une autre direction, et ainsi de suite. Et au final, ce jeu de repoussoir, un petit peu, entre guillemets, quoi. Va contraindre l'aventure dans une direction globale donnée, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, même si les joueuses arrivent avec des personnages très différents, même s'il y a pas mal de choses différentes par ailleurs, parce que les joueuses inventent toujours des choses qui ne sont pas prévues par le jeu, on va quand même retrouver toujours la même ambiance et la même intensité. Et qu'en fait, on va arriver, le jeu va nous amener exactement là où il veut nous amener, sans pour autant nous le dire, quoi. Sans pour autant qu'on ait été récompensé de façon explicite par des bons points, parce qu'on faisait telle ou telle action. Et donc, ça, c'est un sujet qui fait récemment polémique, le vide fertile, parce que c'est quelque chose de très difficile à définir. On ne sait pas si on a vraiment dans beaucoup de jeux, on ne sait pas si ça existe vraiment ou si c'est un truc complètement fumeux. Enfin, il y a des débats là-dessus. Je vous mettrai d'ailleurs les liens vers les débats dans la bibliothèque de ce podcast. Et puis les joueuses comme ça vont dire, ah bah tiens, voilà, on va jouer un mystère, et notre mystère, en l'occurrence, ce sera le vide fertile. Alors vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très private joke, hein. Les joueuses ont choisi un phénomène qu'elles pensent bien connaître, mais qui échapperait à la plupart des gens, parce qu'on est là, on parle d'une théorie de game design qui est partagée peut-être par une centaine de personnes, quoi. Dans le monde. Non, je vois peut-être un peu plus quand même. Et ensuite, elles définissent le contexte. Alors là, au début, elles se disent, bah tiens, on n'a qu'à faire une équipe de rôlistes qui enregistrent des podcasts sur le vide fertile. Et puis finalement, elles partent sur quelque chose de beaucoup plus audacieux et en même temps, elles veulent pouvoir se sentir. Elles veulent changer de contexte, déplacer le contexte, notamment pour avoir. Se sentir un peu plus permise, peut-être de caricaturer certains auteurs de jeux de rôle, ou en tout cas de voilà d'avoir un petit côté peut-être à la fois caricatural, satirique, mais aussi tendre, et en même temps pouvoir aborder quand même la question du vide fertile avec sérieux et avec respect, en donnant un peu tout ça à la fois. Et donc, cette approche à la fois par satirique et sérieuse. Et elles la trouvent en déplaçant le contexte de la façon suivante. Et elles disent, on va jouer une réalité parallèle où en fait le jeu de rôle est apparu non pas en 1974 aux États-Unis, chez des joueurs de wargame, mais il a été créé au 19e siècle par les grands écrivains français du 19e. Et en fait, du coup, l'art majeur au 19e siècle, ça n'a pas été la littérature, mais ça a été le jeu de rôle. Et donc on va jouer certains de ces grands écrivains qui vont justement être à la poursuite du vide fertile. Donc ok, donc voilà le contexte, hein, on est complètement barré. Hein. Alors les jeux s'autorisent entre elles de dire bon, on va faire quelques recherches avant de jouer quand même sur ces écrivains. Mais pendant la partie, on s'autorise évidemment les anachronismes, on s'autorise les imprécisions historiques, de toute façon on est dans un monde parallèle. On va prendre garde à ne jamais citer aucune date. Déjà, ça nous évitera justement de faire trop de bourdes. On sait juste que ça se passe entre 1848, la révolution de 1848, avec la chute du roi Louis-Philippe, et la guerre de Prusse 1870. Ça se passe entre ces deux époques-là, à peu près, vite fait, quoi. On n'en dit pas plus. Donc ensuite, il faut que les joueuses créent leur personnage. Donc pour créer le personnage, il y a quelques petites choses à définir. Il y a ce que le personnage paraît, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire de lui à la première description, et la façon la plus évidente dans laquelle il va se comporter. Et ensuite, il y a ce que le personnage est en réalité, ce qu'il est au fond de lui. Alors ça peut être sa nature profonde que lui-même ignore d'ailleurs, hein. Et ça, ensuite, on va définir une chose que le personnage pourra sauver. Alors, quand je dis pourra sauver, c'est par rapport au phénomène, parce que le phénomène, ils vont être confrontés à un phénomène qui les dépasse, et il y a des choses qui vont perdre, il y a des choses qui vont sauver, quoi. Grâce ou malgré ou à cause ou malgré le phénomène. Donc, dans cette histoire, le personnage va sauver quelque chose. Et le personnage va perdre quelque chose. Donc là, on définit des choses qui vont lui arriver dans le futur, pendant la partie. Et autre chose qu'on définit dans son futur, c'est un événement qu'il vivra avec un autre personnage, donc un personnage d'une autre joueuse, hein, et qui va les bouleverser tous les deux. Alors, plusieurs petites choses que je me permets grâce à l'audio de définir, alors que dans le texte de jeu lui-même, je passe un peu sous silence, parce que je veux rester sur des règles rapides. Si je précise quand même une chose, je mets à vous de voir si vous dévoilez ces informations dès le départ ou si vous le faites en cours de jeu. Concrètement, où est-ce que je veux en venir? D'une chose, ça peut paraître un peu étrange pour certaines joueuses de définir des choses qui appartiennent au futur du personnage. Et donc, elles peuvent décider, au moins pour pas créer un malaise autour de la table, à ce sujet, de définir effectivement dans leur tête, mais ne pas le révéler aux autres joueuses. Comme ça, au moins les autres joueuses ont une surprise sur le futur de leur personnage. Mais je pense qu'on peut aller plus loin si vraiment ça vous pose problème. Vous gardez à l'esprit que effectivement le personnage va sans doute perdre quelque chose, ou sauver quelque chose, qui va connaître un événement bouleversant avec un autre personnage. Mais vous pouvez vous garder de le définir à l'avance. Voilà, faites-le si vraiment vous sentez que ça vous met mal à l'aise de définir le futur de votre personnage. Moi, je préfère que vous soyez un peu souple avec cette création de personnage, plutôt que vous jouiez d'une façon qui vous déplaît, hein. Ça peut être aussi défini de façon très nébuleuse, quoi. À quoi elles servent ces cinq règles? Elles servent finalement à ce que vous ayez un personnage à un tant soit peu étoffé. Pour que. Alors, c'est vrai que le phénomène, c'est quelque chose de central dans l'aventure. Pour autant, justement, c'est important que les personnages aient un peu d'étoffe. Pour que ce soit pas uniquement des. Enfin, ce sont censés être des témoins de ce qui arrive, quoi. Mais, honnêtement, finalement, ce qui compte, C'est pas ce qui arrive, c'est pas le phénomène, c'est le regard que les personnages ont sur le phénomène. Et pour justement que ce regard il ait une importance, il faut que les personnages soient étoffés. Et puis aussi, c'est un jeu de rôle, donc on reste quand même dans le plaisir d'incarner un personnage. Donc encore une fois, c'est une raison pour laquelle il faut que vos personnages ils aient du corps. Parce que vous allez vraiment les jouer, c'est pas juste décrire ce que voient les personnages. Vous allez voir, dans mon exemple, je vais essayer de montrer, hein, que vraiment les personnages, on les joue, et même, je pense qu'on les joue intensément, quoi. Alors, je pense que ça ira mieux si moi-même je vais vous définir les trois personnages que j'ai créés, enfin que mes joueuses imaginaires ont créés. Le premier, c'est Émile Zola. Donc, ce sont tous des écrivains réels, sauf que là, comme on a décollé dans un monde parallèle, au lieu d'écrire des romans, ils écrivent des jeux de rôle. Alors, Émile Zola, ce qu'il paraît en fait, donc c'est un auteur de jeux de rôle qui est vraiment, qui suit vraiment une démarche artistique. Très importante et qui connaît un grand succès malgré le fait qu'il conserve son intégrité. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche du vide fertile, quoi, qui essaye d'en mettre dans ses jeux pour qu'il soit vraiment, pour que ses jeux de rôle soient vraiment intenses. Et honnêtement, il paraît assez dédaigneux. Alors là, déjà, je commence à vous dire, hein, ce qu'on fait là, c'est un Émile Zola de papier. Hein, donc, son caractère, je prétends pas du tout reconstituer le caractère du vrai Zola. Hein. Là, je raconte bien les choses comme elles m'arrangent, quoi. Émile Zola, en fait, est assez. On sent qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle qui trouvent grâce à ses yeux. Toujours quelque chose à leur reprocher. Dans les meilleurs des cas, il se montre condescendant en fait. Il dit ah oui, ton jeu c'est bien, bah, c'est bien que ce genre de jeu existe, même si effectivement t'es passé à côté de ce qui fait vraiment l'essence du jeu de rôle. Et des fois, il peut se montrer carrément dédaigneux. Et ce qu'il est en réalité et qu'il osera peut-être jamais dire quoi, c'est qu'il est sa passion pour le jeu de rôle est vraiment extrêmement sincère et profonde. Son amitié pour les auteurs qu'il fréquente l'est tout autant. Mais voilà, c'est une sensibilité qu'il a du mal à montrer, quoi. Et sa recherche pour le vide fertile est vraiment passionnée, c'est quelque chose qui le ronge, quoi. Une chose qu'il pourra sauver. Ce qui sauvera au final, c'est son succès. C'est-à-dire que toute sa vie, il connaîtra un succès, l'estime à la fois de ses pairs et de son public. Et ce qu'il va perdre, eh ben, en fait, il va perdre ses amis. Un événement qu'il vivra avec un autre personnage qui les bouleversera tous les deux. Il propose en fait, les joueurs se sont des amis d'accord hein, sur ce qu'elles allaient jouer. Il y a Émile Zola. Il y a Paul Cézanne. Alors Paul Cézanne, dans la vraie vie, c'était un peintre. Là, en l'occurrence, ce sera un auteur de jeux de rôle, mais qui utilisera beaucoup la peinture, quoi. Alors là, on s'est basé sur le fait que Émile Zola et Paul Cézanne avaient vécu une grande amitié hein, dans la vraie vie, mais qui se sont fâchés parce que Zola aurait fait aurait fait un roman qui s'appelle L'œuvre. Et qui serait inspiré de la vie de Paul Cézanne, et qui dépeindrait vraiment Cézanne comme un peintre maudit. Alors après, j'ai découvert que les recherches plus récentes tentent à démontrer que Cézanne, en réalité, et Zola n'étaient pas brouillés, et que leur amitié aurait perduré jusqu'à la fin de leur vie. Là, en l'occurrence, on va jouer vraiment la version romantique de leur relation, c'est-à-dire qu'on estime qu'effectivement, il va y avoir rupture tant artistique qu'amicale. Et donc l'événement bouleversant que propose le joueur de Zola, justement, c'est cette rupture à la fois artistique et amicale qu'il aura avec Cézanne. Alors donc il y a un deuxième joueur qui joue effectivement Paul Cézanne. Alors ce qu'il paraît en fait, c'est un être frustre, fuyant les mondanités. un peintre, et puis un auteur un petit peu singulier, se préoccupant absolument pas de ce que le public aime, et donc créant des jeux de rôle vraiment bizarres, presque injouables, et en tout cas, à la fois trop avant-gardistes, trop personnels, et peut-être aussi trop brouillons pour pouvoir être joués, quoi. Est-ce qu'il est en réalité, c'est un être profondément souffrant, pensant être en fait un génie, mais incompris en fait, trop en avance sur son temps, et surtout victime de la tragédie de l'incommunication. Enfin, il peut pas communiquer en fait ce qu'il a sur le cœur, c'est trop compliqué, il n'y arrive pas, quoi. La chose qu'il pourra sauver en fait. Et là, je sais pas trop en fait, qu'est-ce qu'il va sauver. Je pense que ce qu'il pourra sauver, c'est son art, quoi. Son art en fait va lui survivre. Peut-être même qu'il connaîtra une grande postérité. Et la chose qu'il va perdre, c'est la raison en fait. Il va devenir fou. Et un événement qu'il vivra avec un autre personnage qui le bouleversera tous les deux, il fera jouer à Émile Zola une partie d'un de ses jeux de rôle. Et en fait, à ce moment-là, ils vont vraiment toucher du doigt le vide fertile, quoi. La troisième joueuse décide d'incarner George Sand. Alors bon, dans la réalité, je suis pas certain que George Sand, Émile Zola et Paul Cézanne, enfin Émile Zola et Paul Cézanne, effectivement, avaient une relation d'amitié, c'était des amis d'enfance même d'ailleurs. Ils ont été amis toute leur vie, donc ils se sont beaucoup fréquentés. George Sand est contemporain, un des deux, même si quand même un peu plus âgé. Et en fait. Mais bon, déjà, on s'en fout un peu, ils sont contemporains. Je suis pas sûr qu'ils se soient beaucoup rencontrés, en fait. Même si je pense qu'ils se connaissaient forcément, hein. Évidemment, c'était inévitable. Puisque George Sand était quand même une figure publique assez célèbre. Et là, pour les besoins de notre partie, on va les faire se fréquenter, quoi. Donc, George Sand, hein, la femme écrivaine. Donc ce qu'elle paraît en fait, eh ben, c'est une femme qui défie les conventions, hein, c'est une femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes, puisque quasiment le milieu des auteurs de jeux de rôle est très très masculin. C'est une femme très séduisante, qui a une vie amoureuse très tumultueuse, notamment marquée par sa relation avec Alfred de Musset, qui refuse le mariage. C'est un esprit libre, elle organise des salons, notamment dans son Berry natal. Et ce qu'elle est en réalité, c'est une femme à la fois complexe, quelque part vraiment sincère, mais aussi capable de se venger en fait de ceux qui l'ont blessée. Notamment en les remettant en scène dans ces jeux de rôle, quoi. Et c'est une personne qui souffre profondément, en fait, de devoir justement être une femme dans un monde d'hommes. Et la chose qu'elle va pouvoir sauver, alors là justement, à la rigueur, je pense qu'on va être dans le cas de figure où on va dire que la joueuse de George Sand ne sait pas ni ce qu'elle va sauver ni ce qu'elle va perdre. On ne sait pas encore, quoi. Et on verra au plus tard, quoi. Et un événement qu'elle vivra avec un autre personnage qui les bouleversa tous les deux. Alors ça, c'est une chose qui n'est jamais arrivée, hein, dans la vraie vie, hein, mais là, on s'en fout, hein, c'est du jeu de rôle. Elle propose à Zola en fait de dire que en fait toi Zola tu vas me demander en mariage ouais tu vas me demander en mariage et ça c'est quelque chose qui va nous bouleverser tous les deux. J'ai une petite idée sur la réponse que je vais te donner, Je te la dis pas tout de suite. Alors là, le joueur de Zola accepte. Alors évidemment, les événements bouleversants, là. Je pense que c'est quand même mieux si c'est un commun accord, quoi, hein, parce que justement, c'est quelque chose qui va être important pendant la partie. Alors, ces événements bouleversants, c'est quelque chose qui est fait pour créer du lien entre les personnages. Et du lien fort, quoi. Et je préfère créer un lien quelque chose qui va arriver pendant l'aventure, plutôt que un lien qui soit dès le départ. Parce que moi, j'ai quand même vu beaucoup de parties où les personnages avaient des liens au départ, mais c'était quelque chose qui était non dynamique. Et donc, finalement, en jeu, ça se transcrivait pas beaucoup. Ah, bah, nos deux personnages sont frères. Bon, très bien. Eh ben, on va jouer toute la partie où ils vont pas se croiser, où ils sont pas, où le fait qu'ils sont importants l'un pour l'autre n'est jamais joué. Jouer un événement bouleversant, un truc qui va arriver, je pense que ça crée des choses plus fortes, plus dynamiques. En tout cas, dans le cadre du jeu là, où on a une sorte de chassé-croisé entre le présent et le futur, on a une tension, c'était important de mettre ça. Donc ensuite, on est censé marquer une minute de silence. Ça, c'est vraiment important pour ce jeu, parce qu'on est quand même vraiment sur un jeu d'ambiance. Voilà, pensez-y. Alors, vous pouvez préparer des playlists, hein, de la musique à jouer. Par exemple, une fois que la minute de silence est terminée, vous pouvez lancer la musique. Alors, moi, sur le blog, sur l'article des règles, je vous ai mis un lien vers une playlist. En fait, simplement mes playlists sombres pour musique sombre. Je pense que là-dedans, il y a très largement de quoi sonoriser à la fois une beauté. Alors là, je vous renverrai peut-être vers les playlists de Wonderland ou Dragonfly Motel. Une horreur. Bon, bah, tout simplement, je vous renverrai vers les playlists de Milvaux et de musique sombre et un mystère. Bon, là, il faut piocher un peu dans toutes les playlists, il y a un peu de recherche à faire, mais j'ai quand même suffisamment de pistes d'ambiance, de pistes atmosphériques pour sonoriser un mystère. Donc, très certainement, franchement, dans mes playlists sombres pour jeux de rôle sombres, vous avez largement trouvé ce qu'il vous faut pour sonoriser la partie si vous aimez justement avoir de la musique. Donc, ensuite, on peut commencer à jouer l'aventure. Alors, comment ça se passe? C'est une succession de scènes dans lequel chacun raconte ce qui arrive à son personnage ou ce dont il est témoin et comment se manifeste ce phénomène. Bon, vous avez compris, je pense, que l'aventure se tourne autour du fait, justement, que le phénomène se manifeste ou ne se manifeste pas, parce que finalement, quand on joue le phénomène comme mystère, on joue finalement quelque chose qui se dérobe. Mais il se manifeste dans le sens où il obsède les personnages. Alors, c'est un jeu sans maître de jeu, hein, je mets, faites intervenir autant de décors ou de figurants qu'il vous est nécessaire. Donc, la narration, elle est très libre. Hein. Vous pouvez très bien, si vraiment ça vous est important, ne quasiment jamais mettre en scène votre personnage, uniquement vous occuper du décor et des figurants. Ou au contraire, vous êtes en repli total sur votre personnage. Bon, évidemment, je pense qu'il faut qu'il y ait des équilibres. Si toutes les joueuses sont en repli sur leur personnage, j'ignore si le jeu peut fonctionner. Je pense qu'il faut quand même qu'il y en ait qui se dévouent de temps en temps pour incarner des corps et figurants. Encore que, hein, si, c'est vrai que comme on joue quand même pas mal les personnages en train de raconter des choses, vous pouvez dire je suis en repli sur mon personnage, mais il raconte des choses. Et du coup, finalement, c'est une façon d'en incarner le décor et les figurants, quoi. Autre conseil qui est important, j'ai mis concentrez-vous sur ce que vos personnages ressentent face au phénomène. Même si les personnages ont un combat ou un objectif à mener, gardez à l'esprit que ce qui importe, en fait, c'est le phénomène et comment les personnages vivent le phénomène. Donc c'est pas du tout un jeu sur le combat, sur la recherche, c'est un jeu sur la contemplation, la peur ou la fascination. Donc là, par exemple, dans notre exemple de partie, on joue le vide fertile comme mystère. L'idée, c'est pas de savoir, enfin, l'idée, c'est pas de se battre pour essayer de découvrir c'est quoi le vide fertile, quoi. Il n'y a pas, comme dans Sphinx, on explore des ruines, et il y a vraiment un mécanisme qui est fait pour que le secret des ruines soit forcément révélé. Là, il est possible que le secret du fertile ne soit jamais révélé, ou s'il l'est, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de jouer autour de ce mystère qu'est le vide fertile. Et le fait que les personnages réussissent ou échouent à percer à jour le vide fertile, ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est leur parcours, ce qu'ils vont ressentir, quoi. Peut-être même qu'on peut jouer des personnages qui n'ont dont le comment la recherche du vide fertile pour qui la recherche du vide fertile n'est pas importante, mais c'est quelque chose qui va forcément croiser leur vie, quoi, qu'ils le veuillent ou non. Ça, je pense que c'est la chose la plus compliquée dans ce jeu, tout simplement parce qu'il y a très peu de jeux de rôle qui proposent ça justement, de jouer autre chose qu'un personnage qui essaye de mener un combat ou un objectif à bien. Du coup, de toute façon, j'ai créé ce jeu parce que justement, c'était un défi personnel d'essayer de créer un jeu qui le fasse. Alors, je prétends pas que ce soit le seul, hein. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais peut-être même plein d'autres. Mais bon, voilà, moi, c'est ma tentative personnelle d'en faire un. J'avais déjà essayé avec Dragonfly Motel. Là, j'essaye d'une autre façon, quoi. Alors, j'ai mis à vous de voir si vos personnages se côtoient durant l'aventure ou non. C'est-à-dire que vous pouvez jouer un groupe de personnages qui sont effectivement tout le temps très souvent ensemble, ou au contraire, vous pouvez jouer ce que j'appelle des intrigues à la Magnolia. Magnolia, c'est un film de Paul Thomas Anderson où les personnages principaux ne se croisent jamais, en fait, sont juste reliés ensemble par un même fil rouge. Et donc c'est tout à fait possible dans ce jeu, même si il y a l'événement bouleversant, hein, donc on pourrait tenter de dire que les personnages vont au moins se croiser pendant l'événement bouleversant, mais d'une. L'événement bouleversant, ils peuvent le vivre à distance. Par exemple, supposons que l'événement bouleversant, ça va être les personnages vont être bouleversés par une éclipse de lune. Bah, finalement, ils peuvent être à deux endroits complètement différents et voir tous les deux l'éclipse de lune en même temps et être bouleversés, tu vois. Donc, sans même se croiser, quoi. Sachant aussi que vous allez comprendre plus tard que c'est complètement facultatif de jouer l'événement bouleversant. Il y a plein de choses qui sont facultatives dans ce jeu, hein. Moi, je vous donne en fait une liste de suggestions de choses à faire, et puis vous allez taper dedans un petit peu à votre envie, quoi. Voilà. Alors, je vais... comment? Donc ensuite, faut préparer des jetons. Alors, si vous voulez une partie longue, il faut 6 jetons par personnage. Une partie vraiment courte, ça va être 2 jetons par personnage. Alors là, je pense qu'on va partir entre les deux, on va tenter. Ça se trouve, je suis gourmand. On va tenter l'entre-deux, c'est-à-dire 4 jetons par personnage. Donc 4 jetons par personnage. Et donc ça fait au total 12 jetons puisque j'ai 3 personnages. Vous imaginez que si on jouait autour d'une table, on mettrait les jetons au milieu de la table, accessible à tous. Alors on peut jouer sans jetons, hein. Pour cela, il suffit de compter dans sa tête. C'est-à-dire qu'au début, les personnages partent avec un score de 0. Et en fait, l'idée, c'est que les personnages vont glaner des jetons au fur et à mesure de la partie. Et donc, quand tous les personnages auront pioché 4 jetons, eh bien la partie sera terminée. Donc on peut compter dans sa tête. Ah bah là j'en suis à Zola 1, Cézanne 3, George Sand 2, par exemple. Donc là je tends une partie à 4 jetons par personnage. Et la prise de jetons, c'est quelque chose qui va rythmer la partie, c'est une sorte de timer. Et on prend des jetons quand on a des comportements qui sont entre guillemets intéressants pour le jeu, quoi. Alors c'est pas des susucres, hein. La seule en fait c'est juste que quand on a collecté un certain nombre de jetons, Ça va marquer une avancée dans la partie, donc c'est faut vraiment le voir comme une sorte de chrono, quoi. Même si au départ, vous allez le voir aussi comme un guide, effectivement, qu'est-ce qui est intéressant de faire dans ce jeu. Donc, bah, si vous faites des choses qui permettent de récupérer des jetons, c'est que vous faites des choses intéressantes, quoi. Alors, comment on récupère des jetons? Je vais vous le dire tout à l'heure. Bon, globalement, il faut vous dire qu'on récupère des jetons en se confrontant au phénomène. Alors, on va commencer une première scène. Où je vais vous montrer un peu comment on joue une scène. C'est l'enterrement d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac a été retrouvé mort d'une crise cardiaque. Évidemment, tous les grands écrivains de son siècle se rendent aux funérailles. Et donc, justement, on retrouve. Honoré de Balzac est un ancien, en fait. Il fait partie de ceux qui ont écrit les premiers jeux de rôle, quoi. Il est vraiment vénéré pour ça, quoi. Et donc il est mort après avoir laissé une œuvre assez colossale, quoi, une gamme de jeux de rôle qui s'appelle La Comédie humaine. Et donc voilà, à la sortie de l'enterrement, on entend les cloches sonnent dans Paris. Et donc il y a Zola en noir avec sa barbe, ses petits lorgnons. Il y a George Sand qui est venu habiller. Comme son habitude, qui est venu habiller en homme, donc là elle est en complet veston. Et puis pour se détendre après des funérailles qui étaient quand même assez lourdes, elle allume un cigare. Et donc il y a Paul Cézanne, qui a un regard très intense, un peu frustre, le teint assez hâlé, hein, qui dénote ses origines provençales. Et ouais, l'air un petit peu, enfin, fuyant les mondanités. Donc là, on sent que ça lui a coûté de se rendre aux funérailles. Il s'est habillé, il a fait l'effort de s'être habillé en noir, mais c'est des habits très simples et pour tout dire un peu débraillés. Et là, Zola dit, vous savez ce qu'on a découvert dans les notes de Balzac après sa mort. Et puis il montre une gazette, en fait. Une gazette d'un journal, un journal qui s'appelle Casus Belli, et qui justement qui a dévoilé le croquis que Balzac avait fait. En fait, c'est juste un croquis, une note, bon, qui a été reproduit à la main par un caricaturiste dans la gazette. Et donc ça s'appelle Le vide fertile. Point d'interrogation. Et on voit justement une espèce de schéma avec des petits bandeaux qui désignent des règles, qui poussent l'aventure dans certaines directions, et ça tourne autour d'une espèce de tourbillon, hein, que Balzac a dessiné, quoi, et qui serait le vide fertile, quoi. Et il fait, vous avez vu, Balzac touchait du doigt quelque chose, une sorte de vérité suprême de ce qu'il y a, enfin, de comment fonctionnent les bons jeux de rôle. Vous comprenez, un ensemble de règles qui fournissent des incitations discrètes et qui guident l'aventure dans une direction absolument surprenante et bouleversante. Alors là, je vais vous montrer une règle qui est assez importante, c'est la règle de la juxtaposition. C'est-à-dire que quand un personnage découvre, évoque ou se remémore quelque chose qui s'est passé dans un autre lieu ou un autre temps, il faut raconter cette chose comme si elle se reproduisait en juxtaposition dans le lieu et le moment où le personnage revit la chose. En résumé, juxtaposer l'évocation et la réalité du présent comme si le temps et l'espace fusionnaient en un seul point. Ça, c'est un effet de mise en scène et de mise en jeu, quoi. Et donc, alors que Zola évoque ça, en fait, tout le monde se retrouve dans l'atelier de Balzac, comme s'il découvrait même le petit mot de Balzac. Il y a Balzac qui est mort, étendu sur son bureau, et George Sand regarde le billet où il a griffonné ce petit croquis du vide fertile, Il y a dans l'atelier, il y a un bazar incommensurable, plein de papiers, de brouillons de jeux de rôle qui sont commencés. Il y a des figurines, des pions, comment, des petits écrans, des petits paravents en bois avec des marionnettes, plein de dés aux formes bizarres en bois taillé, tu vois, que Balzac a taillé à la main. Enfin, il y avait des prototypes de futurs jeux de rôle de la comédie humaine qui n'a jamais eu le temps de finir. Il y a des reliefs de tout un tas de repas que Balzac a entamés, une cafetière, il y a l'odeur du café. Et donc là, Cézanne, genre je sens des Zola sont là à fouiller son bureau, à compulser ses notes, et ils trouvent rien qui permette d'expliquer un peu plus c'est quoi le vide fertile. Il y a juste cette note critique, enfin cette note sur le vide fertile, et puis genre je sens en fait non mais Balzac était un plaisantin. Je pense que ça c'est une miette qu'il a lancée à la postérité, c'est rien d'autre qu'une farce. Enfin, il n'explique pas du tout comment ça fonctionne. Enfin, ça c'est juste pour nous faire gamberger. Elle tire une bouffée de son cigare, elle écrase quelques cendres sur le bureau de Balzac dans son cendrier. Alors là, c'est un peu compliqué. C'est vrai que je ferai des parties à plusieurs qu'on enregistrera sur YouTube pour que vous voyez bien l'interaction entre les joueuses. Là, vous avez l'impression que je joue tout seul. Hein. Faut imaginer qu'il y a trois joueuses et que elles racontent toutes et participent au truc. Alors que là, c'est la joueuse de George Sand qui dit ce que fait George Sand. La description de l'atelier, tout ça. Peut-être que c'est plusieurs joueuses qui s'y sont mis, quoi. Il y a peut-être une joueuse qui s'est rappelée que quand on évoque le passé, en fait, on revisite le passé, quoi. C'est une métaphore, en fait. On est en train de jouer une métaphore. C'est-à-dire que c'est fort probable que les trois personnages ne soient pas rendus dans l'atelier de Balzac, ne soient pas, notamment si son corps y était encore chaud, quoi. C'est juste que voilà, on joue la métaphore, les personnages sont en train de s'imaginer d'y être et puis de discuter autour de ça, quoi. Donc voilà comment on décrit une scène. Et donc comment on prend des jetons? On prend des jetons de la réserve commune dès qu'un des personnages ressent une émotion forte. Quel personnage est décrit ou non. Alors là, par exemple, on va dire que Zola, le joueur de Zola, pioche un jeton parce que vraiment, il pense que Zola est vraiment dans une excitation de tous les diables, quoi. Là, cette notion de vide fertile, c'est quelque chose qui lui retourne la tête. Il y voit une façon de créer des jeux de rôle qui est complètement nouvelle, audacieuse. Et en fait, il est en train de gamberger à mort, quoi. Alors, ça, là, je viens de vous l'expliquer, à vous, auditeurs, auditrices. Peut-être que le joueur de Zola va pas du tout expliquer en fait ce que ressent Zola à ce moment-là. Il va juste piocher un jeton. Mais déjà, au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit le joueur piocher un jeton, donc on se dit, ouais, effectivement, il est, voilà, il est vraiment à fond, quoi. Donc je note Zola 1. On pioche aussi un jeton quand un personnage vit un événement bouleversant en commun avec un autre. Donc les événements bouleversants, on les a définis à l'avance, on n'est pas du tout en train de les vivre, donc là c'est pas le moment. Et enfin, il peut piocher un jeton quand le personnage est le sujet d'un des verbes suivants. Alors, vous allez voir que les verbes, c'est pas trop des verbes d'action en fait. C'est plutôt des verbes qui vont décrire ce qui arrive au personnage face au phénomène. Donc, j'ai noté quoi? Abandonner, par exemple, abandonner les recherches sur le vide fertile, ça pourrait être s'abandonner, c'est-à-dire s'absorber comment se lâcher prise par rapport à l'adversité, quoi. Être volontairement sans défense. Ça peut être admirer quelque chose ou quelqu'un, anticiper, imaginer ce qui va se passer. Imaginons, par exemple, Zola peut se mettre à anticiper les futurs jeux de rôle qu'il va faire en employant le vide fertile. Il imagine des constructions faramineuses. Il est déjà dans le futur où il voit, en fait, rentrant dans l'atelier, il voit toute la descendance des Rougon-Macquart, cette espèce de. Les Rougon-Macquart, c'est une espèce de famille imaginaire que Zola a mis en scène dans, met en scène dans ses jeux de rôle, quoi. Et donc là, il y en a vraiment beaucoup qui rentrent dans la pièce et il imagine tous ses futurs jeux de rôle. Et les Rougon-Macquart sont en train de lui raconter toutes les aventures extraordinaires que vont vivre, qui vont vivre grâce aux vides fertiles, quoi. Cette espèce de vide fertile est en train de souffler dans l'atelier à grande rafale. Ça peut être avouer quelque chose qui s'est passé, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être par exemple. Cézanne qui fait, j'avoue, c'est moi qui ai dessiné le croquis, c'est une imposture. Balzac n'a jamais inventé de vide fertile, c'est une blague, c'est un canular. On peut célébrer quelque chose, quoi. Justement, bah là, clairement, notre ami Zola, il est vraiment en pleine célébration de vide fertile. On peut constater, c'est constater les dégâts, quoi. George Sand peut constater que Balzac n'avait plus toute sa tête et que son bureau était dans un désordre incommensurable et que le vide fertile, c'est juste le produit d'un esprit, un esprit dérangé et trop actif. On peut contempler, on peut craquer. Voilà, là, clairement, le personnage sous la pression nerveuse peut se mettre à craquer, péter un câble. On peut croire, notre ami Zola est vraiment en train de croire que le vide fertile existe, quoi. Découvrir, bon, bah, là aussi on a aussi une scène de découverte. On peut débattre, justement, Cézanne et Sand et Zola commencent à discuter de savoir si oui ou non le vide fertile existe, si oui, dans quel jeu il existe, est-ce qu'il existait dans les jeux, justement, les jeux de Balzac? Et là, ils sont là, mais oui, bien sûr, dans le Père Goriot, c'est évident que le. Dans ce fameux jeu de rôle de Balzac, c'est évident qu'il y a un vide fertile à l'œuvre. Maintenant, quand on y repense, c'est logique. Voilà, qu'on se débattre, on peut désespérer. Peut-être que George Sand, en fait, quand elle voit le truc, elle se dit, moi-même, je pense que dans mes jeux de rôle, jamais j'arriverai à mettre ça en place. Ça me paraît trop ambitieux, trop compliqué. On peut échouer à comprendre. Voilà, c'est complètement ce qui leur arrive, quoi. Cézanne ne comprend rien. Cette idée de vide fertile, ça lui échappe totalement. On peut échouer à décrire. Quelque part, Zola pense avoir complètement compris ce qu'est le vide fertile, mais il n'arrive pas à l'expliquer à ses contemporains, quoi. Échouer à saisir, c'est un peu. C'est un peu. Voilà, c'est ça. Ils sentent que le vide fertile le touche du doigt. Ils comprennent. Ils sont vraiment très proches de comprendre ce que c'est, mais ils n'y arrivent pas, quoi. On peut enquêter. Donc là, on peut imaginer Zola, en fait, récupérant les archives de Balzac et les compulsant en passant des nuits entières d'études. Georges Sand qui essaie de l'en tirer parce qu'il est pour aller faire la fête, pour se distraire. Allons boire du champagne, allons boire du vin. On peut espérer dire non, j'y suis presque. Je sais que je trouverai. On peut espionner. Comment Zola, pendant George Sand tient un salon où elle reçoit d'autres auteurs célèbres tels que Gustave Flaubert, qui est connu notamment pour un jeu de rôle qui s'appelle Carthage, où on revit les guerres entre Carthage et les Romains, un jeu de rôle extrêmement épique. Alors même qu'ils sont dans le salon en train d'en deviser, on imagine des mercenaires, des soldats carthaginois, des éléphants qui envahissent le salon. Et en fait, Zola est là, il espionne leur conversation, il espionne les parties de Carthage et il essaye de voir si par hasard Flaubert, le besogneux, ne serait pas arrivé justement à produire un vide fertile sans le savoir, quoi. Il essaie d'espionner et puis de comprendre, quoi. On peut fuir, quoi. Paul Cézanne s'enferme dans son atelier, il se met à peindre frénétiquement des personnages, des décors et des figurants pour ses prochains jeux de rôle. Et tout ça parce qu'il ne veut pas penser au vide fertile dont qu'il se sent incapable de produire. Donc lui, voilà, il préfère s'abandonner dans le travail plutôt que de se dire que on peut halluciner, quoi. Zola joue des parties des Rougon-Macquart. Ils jouent notamment l'Assommoir, un jeu où on joue des alcooliques. Et le jeu les emporte tellement avec les autres joueurs ils sont comme les personnages, ils sont en train d'errer dans les rues de Paris, complètement ivres, en plein délirium tremens. Ils voient des alambics énormes comme des forges de Vulcain. Et quelque part, aspirant les rues de la ville, Zola croit voir le vide fertile. Il se dit oui, il y a des règles cachées qui sont à l'œuvre dans ce jeu. Je vois des engrenages à peine visibles, justement, qui sont en train de nous pousser dans une direction sans qu'on s'en rende compte. Et en même temps, si on suit ces coulisses, ces cordages mystérieux, si on décide de s'y abandonner, on approche en fait de la véritable immersion. Mais en fait, là, Zola hallucine complètement. Il est ivre. Est-ce qu'il trouve vraiment le vide fertile ou est-ce qu'il imagine complètement? On ne sait pas, quoi. S'introspecter, je sais, le verbe est horrible, hein, mais grosso modo, c'est-à-dire rentrer en soi. On peut imaginer George Sand qui est dans son propre palais mental et qui revoit. Tous les êtres qu'elle a rencontrés dans sa vie et dont elle s'inspire pour créer des jeux de rôle. Elle est dans une grande salle de bal. Elle danse avec Alfred de Musset. Ils sont entourés d'un grand voile rouge. C'est avant la première du financement du jeu de rôle fracassant qu'a fait Alfred de Musset qui s'appelait Lorenzaccio. Et ils dansent ensemble avant qu'on fasse l'appel pour financer ce jeu, quoi. Il y a les décors de son jeu de rôle partout dans la salle de théâtre. Et elle essaye de voir comment elle pourrait récupérer ce souvenir pour en faire une scène de jeu de rôle. Elle s'inspire de tous les détails de sa vie, les gens de sa famille, son fils Maurice, et ainsi de suite, quoi. Et lâcher prise, enfin, en fait, bah, là, je sens lâche prise, c'est-à-dire que elle s'installe à son bureau, quoi, il fait nuit. Elle prend des alcools forts et elle écrit, en fait, sans réfléchir, elle écrit son prochain jeu de rôle, quoi. Elle sait même pas ce qu'elle est en train d'écrire, elle vomit du papier. Ouais, encore plein de verbes. Hein. Bon, là, je vais arrêter tout ce que je voulais décrire parce que c'est vraiment. Ce serait un peu jouer à votre place. Il y a nier, oublier, parler, regretter, renoncer, se reposer, se révolter, se sentir impuissant, soupçonner, se souvenir, spéculer, surprendre, témoigner ou se tromper. Donc, ce n'est pas tellement des verbes d'action, c'est plutôt des verbes de contemplation ou de réaction. Bon, c'est souvent par rapport à ce que font les personnages, par rapport au phénomène. Et à chaque fois qu'on pense que le personnage est le sujet d'un de ces verbes, on peut piocher un jeton. Donc là, bon, je vous ai donné tout un tas d'exemples qui pourraient justifier que les joueuses aient pioché des jetons, hein. Dans ma première scène, peut-être que Zola, clairement, a bien mérité de piocher un jeton en apportant tout ce qu'il a apporté, hein. Alors c'est pareil, c'est censé être un timer. Donc on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de piocher un jeton à chaque fois qu'on est sujet d'un de ces verbes, parce que finalement ça pourrait aller très très vite, hein, du coup. Il faut le faire si on pense qu'effectivement, là on a raconté un truc important, quoi. Par rapport au phénomène, tout ça. Que vraiment le personnage a été confronté au phénomène. Je pense que je vais mettre un jeton pour George Sand avec sa scène où elle revit l'ouverture de Lorenzaccio. Cézanne, je lui en mets pas pour le moment. Je pense que Zola, je n'en mets pas, j'ai juste mis l'émotion. Parce que j'ai pas mal d'autres idées en scène, donc je me presse pas trop. Autre règle sur les jetons importante, c'est que Quand on est en train de raconter qu'on est vraiment dans le feu de l'action, on n'a pas forcément pensé à prendre un jeton. Donc vous avez le droit, une fois que le soufflet retombe, de reprendre le jeton a posteriori. Vous venez de jouer la scène, là, vous marquez un petit temps de silence, vous vous calmez, et vous redescendez en quelque sorte, et vous dites: ah ouais, quand même, là, ce que j'ai fait, ça méritait bien un jeton, quoi. Parce que j'ai été sujet dans des verbes, parce que on vient de vivre un événement bouleversant, ou parce que. C'était quoi le premier? Il y a l'événement bouleversant, ou parce que j'ai ressenti une émotion forte. Vous pouvez le faire juste après, quoi. Une fois que, justement, parce que vous étiez en train, quand vous êtes en train de vivre le truc, l'émotion, c'est pas facile de penser à prendre un jeton en même temps, quoi. Donc vous pouvez le faire juste après. Ou sinon, ça peut être une autre joueuse qui prend, qui se dit: ah ouais, là, par exemple, quand Zola décrit son. Avec vraiment une grande excitation, ce que peut être le vide fertile. Peut-être que le joueur de Cézanne va dire: peut-être que c'est le joueur de Cézanne, en fait, qui a pris un jeton de la réserve et qui l'a placé devant Zola, l'air de dire: ouais, là, je vois bien que t'es à fond dedans, je pense que tu mérites de prendre un jeton. Sachant que si ça se passe comme ça, le joueur de Zola peut décliner. Parce que justement, soit il estime: non, en fait, mon personnage, il n'a pas une émotion si forte que ça. Ou alors simplement: ouais, mollo, mollo, j'ai encore plein de choses à dire, donc là, pour le moment, non, ton jeton, je le prends pas. Mais des fois, ça peut dépanner, parce qu'effectivement, t'es vraiment en train de raconter, t'es complètement dans le flow, et c'est un autre joueur qui est un petit peu plus en observateur, qui va penser à donner le jeton, donc ça va t'aider. En plus, le geste est vraiment important, si vous voulez, parce que ça va marquer, ouais, une harmonie entre les joueuses, quoi. Donc ça peut être vraiment le fait de donner un jeton ou de prendre un jeton, même si c'est en dehors de l'aventure, quoi, c'est de la pure mécanique, ça peut être très fort, quoi. Ça peut créer un bon raccord entre le joueur et le personnage. Donc la règle de base dit ah oui, accumuler. Donc la règle de base dit que quand on a accumulé 3 jetons pour son personnage, on peut décrire comment il a sauvé quelque chose ou perdu quelque chose. Alors là, ces 3 jetons, c'est pour les parties longues. Là, on est sur une partie courte, et donc du coup, c'est quand le personnage a 2 jetons. Donc il faut qu'on y arrive. Donc on va continuer un peu à raconter d'abord avant d'arriver à ça. Alors là, il faut que je trouve mon portable, parce que j'ai des notes dessus. Ah oui, il est là. Bon, bah par exemple, une autre scène que le joueur de Cézanne raconte, c'est le salon des indépendants. En fait, il y a des grands salons où les jeux de rôle tout frais sortis eh bien, vont se montrer au public. Et il y a le salon principal, bah, tout simplement, c'est les jeux de rôle qui sont édités, quoi. Donc c'est les éditeurs qui viennent présenter les jeux, quoi. Et il y a ce qu'on appelle le salon des indépendants, ou un peu plus sarcastiquement, qu'on appelle aussi le salon des refusés. Et donc là, c'est un salon où en fait, tous les jeux de rôle qui n'ont pas trouvé d'éditeur vont essayer de se présenter. Donc c'est vu un peu par le public comme des jeux amateurs, ou au contraire comme des jeux avant-gardistes, rebelles, quoi, trop en avance sur leur temps pour être prisés par les éditeurs, quoi. Ou créés par des créateurs qui sont, voilà, qui sont trop qui ont une pensée trop puissante pour s'abaisser à aller voir un éditeur, quoi. Bon, chacun voit midi à sa porte. Les salons, donc c'est fait dans des petits palais, quoi. Pensez un peu au Louvre, enfin des choses plus petites quand même, mais bon, c'est des comme des grands endroits dans Paris, quoi. Et donc c'est très visité, hein. C'est vraiment la visite du week-end, donc il y a énormément de monde. Peut-être au salon des refusés un peu moins, mais quand même les gens jouent les coudes, hein. Il y a vraiment. Bah voilà, c'est tous les gens de bonne famille, c'est la sortie dominicale, quoi. Et il y a même un peu de pauvres, hein. Le jeu de rôle, c'est un loisir populaire, quoi. Donc il y a des éditions de jeux de rôle dorés à leur fin, avec des illustrations, avec des illustrations peintes en modèle unique sur chaque page. Ça, c'est pour les riches, hein, les aristocrates. Mais on a aussi. On a aussi des jeux de rôle qui paraissent dans les gazettes, en feuilleton. Hein, pour chaque feuilleton, c'est un scénario et qui du coup sont achetés par les ouvriers, par les couturières. Donc on a aussi certains jeux qui sont très populaires et très joués par les basses classes, quoi. Et du coup, des fois, même dans les salons, on voit aussi des ouvriers qui ont réussi à rentrer, quoi, parce que certains salons sont gratuits ou l'entrée n'est pas forcément chère, quoi. Et donc Zola, c'est en fait le joueur de Cézanne dit Zola, t'as insisté, t'as fait jouer tes relations pour que mon dernier jeu de rôle il soit exposé. Mais moi, je trouve que le salon des réfugiés c'est une mascarade et du coup je ne suis pas venu. Et donc là, Cézanne est absent, mais je suis obligé de jouer la règle de juxtaposition. Donc, je décris Cézanne comme arpentant le salon alors qu'il est absent, quoi. Parce que Zola va lui raconter ce qu'il y a vu, des choses comme ça, quoi. Et donc, Zola est dans le salon. Et il recherche, il essaie de trouver où est exposé, où est le stand de Cézanne, quoi. Donc il y a plein de salles et il y a des tableaux en fait du sol au plafond parce que il y a comment le jeu de rôle utilise pas mal la peinture donc il y a des tableaux qui sont censés représenter les décors, les figurants ou les personnages et aussi ce qu'on appelle des triptyques. Donc c'est des grands tableaux derrière lesquels le meneur de jeu est censé se cacher et il raconte ce qui se passe sans qu'on le voie. Ce qui permet en fait d'être plus immergé dans l'aventure, quoi. Comme tu vois pas ton maître de jeu quand il parle en imitant les voix des figurants différents, tu imagines vraiment que tu es dans l'aventure, quoi. Puis le triptyque a un tableau qui est censé représenter la scène, le décor, quoi. Donc là-dedans, il y a des choses fantastiques, burlesques, certaines complètement ratées, parce que c'est le salon des réfugiés, hein, donc il y a des gens qui sont exposés parce qu'ils sont rebelles, puis il y a des gens qui sont exposés parce qu'ils n'ont aucun talent, hein. Il y a des croûtes, hein, clairement, quoi. Voilà, il passe, et puis il y a des choses qui sont en. Il passe devant le salon d'un auteur qui propose de jouer des brigands de grand chemin. Donc c'est un jeu plein d'arrogance et qui traite de thèmes durs, quoi. Et l'auteur lui explique qu'il va travailler avec un éditeur. Et Zola se désole parce qu'il sait que l'éditeur là en question va lui proposer une illustration de son jeu de rôle qui va être absolument mauvaise avec des statues grecques nues, des choses comme ça qui vont complètement dénaturer l'esprit de son jeu. Il continue, il joue des coudes, il y a vraiment beaucoup de monde, des dames de bonne famille avec des ombrelles et des grandes robes qui prennent beaucoup de place. Des gens qui dorment derrière des tableaux, en cachette, derrière des triptyques. Et il finit par trouver dans une petite salle le stand qui est dédié à Cézanne, quoi. Il y a juste trois petites peintures qui composent un triptyque. Et puis quelques notes griffonnées à la hâte d'une écriture de pâte de mouche sur un papier sale. Et relié à la va-vite avec de la corde. Et quelques dés sculptés dans de la pierre. Ah non, autant pour moi, il n'y a pas de dés parce que Cézanne, justement, en fait, Zola est pour les dés qu'il estime être l'incarnation du libre arbitre du personnage. Il dit que le dé est au joueur ce que l'épée est au personnage. Alors que Cézanne rejette l'usage des dés, auquel il préfère celui de la parole, plus vrai, plus dans la vérité du personnage. Donc il n'y a aucun dé, ce qui explique d'ailleurs l'insuccès du stand de Cézanne. Puis le simple fait que Cézanne soit absent, bah, fait que personne s'intéresse à son jeu, quoi. Il n'y a absolument personne qui vient voir, en fait. Et Zola se concentre sur les trois petites peintures que Cézanne a fait avec une espèce de respect des couleurs qui est vraiment très étrange, quoi. Enfin, l'impression que Cézanne s'est trompé de couleur en peignant, quoi. Et en même temps, c'est d'une... La peinture est rageuse, quoi. Et en même temps, il y a une telle intensité et une telle nouveauté dans ça. Enfin, Zola voit bien qu'en fait, il a affaire ici à l'œuvre d'un génie incompris. Et il se désole parce qu'il est le seul à s'en rendre compte. Et quand il va retrouver Cézanne, il va l'engueuler, en fait. Cochon, pourquoi t'es pas venu au salon? Pourquoi tu peux pas te bouger pour faire quelque chose de mieux? Là, Zola prend un jeton et Cézanne en prend un aussi. Ouais, non, Zola en prend pas. Il pourrait, hein. En fait, tu peux être plusieurs à prendre un jeton. Donc, il pourrait très bien le faire. Mais il estime que c'est vraiment la scène de Cézanne. Et donc, il veut pas. Voilà, il laisse juste Cézanne prendre un jeton. Alors ensuite, une autre scène. Alors là, Cézanne a pris un jeton pour le fait de raconter, quoi, tout simplement, quoi, ou peut-être l'émotion forte, le rejet. Vous avez vu, hein, c'est quand même assez plastique, hein, la prise de jeton. Vous allez sentir vous-même. Hein, Ah ouais, là j'ai une scène intéressante. Donc c'est George Sand qui reçoit dans son salon. Comment? Elle a invité divers auteurs dans le Berry, hein, où elle tient salon dans son manoir, quoi. Donc il y a des grands chandeliers, des fauteuils profonds, une cave à cigares et une cave à vin bien garnie. George Sand est en complet veston. Et voilà, elle reçoit ses invités. Il y a toujours l'inénarrable Gustave Flaubert. Il y a comment Il y a Charles Baudelaire, le critique, qui généralement sort des critiques des jeux absolument assassines. Notamment, il a incendié George Sand à chaque fois qu'elle sort un de ses nombreux jeux de rôle, quoi. Et puis Zola et Cézanne sont venus, hein, aussi. C'est assez rare, mais là ils l'ont fait, ils ont fait l'effort, quoi. Et George Sand fait, c'était pas prévu, mais cette nuit j'ai écrit un jeu, et donc elle distribue à chacun le matériel de son jeu. Pendant ce temps que Frédéric Chopin, son amant du moment, quoi, le compositeur. Joue du piano, donc il y a une ambiance vraiment clair-obscur, quoi, avec les chandeliers, le feu de cheminée, Chopin qui joue du piano. Elle distribue des cartes à jouer de tarot, en fait, c'est des. Assez impressionniste. Elle donne des feuilles de personnages dans des grands parchemins avec des il y a des plumes pour pouvoir annoter des plumes et des encriers pour pouvoir annoter les personnages. Elle dit voilà, il n'y a pas de triptyque parce que dans ce jeu il n'y a pas de maître de jeu, chacun est libre de raconter en fait et vous allez vous inspirer des tirages de tarot. Pour construire l'aventure, quoi. Et je propose de jouer. C'est un jeu qui s'appelle La Mare au Diable, et c'est un jeu rural fantastique. Et donc tout le monde joue. Et donc ils enfilent les Flaubert, Zola, Cézanne enfilent des tenues de paysans pour être dans l'aventure. Les murs les murs du manoir tombent. Et à la place derrière, on voit un décor de marais, de champs, de champs de blé, de forêts et de masures de paysans. On entend le hennissement des chevaux, le soc des charrues. Et donc là, les personnages vont arpentent une forêt. Et donc ils jouent le jeu. Il se passe diverses choses mystérieuses, sensuelles, effrayantes. Il y a aussi une révolte paysanne. Et puis à un moment, la musique de Chopin s'arrête. Les murs reprennent leur place. La partie est terminée. C'était un peu comme un moment hors du temps. Et puis là, Georges Sand, dit à Zola, bah tu vois là, par exemple, dans ce jeu, on voit bien quand même qu'il y a un vide fertile à l'œuvre. Et puis là, Zola s'emporte, il se lève, il fait, mais n'importe quoi. Auparavant, Flaubert, comment il s'appelle? Oui, Flaubert a traité avec affection. Hein. Il a traité Georges Sand, il a dit à ma grosse vache, parce que le fait qu'elle avait encore sorti un jeu de rôle, quoi. Enfin, Georges Sand écrit plusieurs jeux de rôle par an, elle est très très prolifique. Par rapport à Flaubert, qui la respecte beaucoup, mais Flaubert, il passe 10 ans sur chaque jeu, quoi. Donc, évidemment, ça le sidère un peu que Georges Sand écrive aussi vite. Et donc là, Zola s'emporte, il fait n'importe quoi, il peut pas y avoir de vide fertile dans un tel jeu. Tu l'as écrit en une nuit, tu l'as pas du tout testé avant de nous le faire jouer. Le vide fertile, c'est quelque chose qui se polit au fur et à mesure des tests. À chaque partie, tu découvres une nouvelle règle mystérieuse et tu essayes de la favoriser avant de découvrir la suivante et tout. C'est quelque chose qui se dévoile après une dizaine, peut-être une centaine de parties. Comment peux-tu espérer avoir pro... Non, il n'y a pas de vide fertile, le jeu est plat, on voit exactement dans quelle direction il nous amène, il n'y a aucun mystère. Comment... Tu n'as rien compris, tu... Après tous les efforts, tous les articles que j'ai écrits pour expliquer ce qu'était le vide fertile, toi tu galvaudes le terme. Et Zola, en fait, quitte la pièce excédé. Alors Sand, évidemment, là, se prend un jeton, hein, parce qu'elle est bien énervée, elle pensait s'être approchée du vide fertile, et puis elle vient de se faire renvoyer dans les cordes par Zola. Je pense que Zola prend un jeton aussi, quand même. Donc on est à Zola 2, Sand 2. Et donc qu'est-ce qui se passe, justement, donc là, quand on a deux joueuses? Deux personnes qui ont pioché la moitié de jetons qu'elles pouvaient piocher. Et donc quand on a pioché une moitié, ça nous accorde le droit de raconter quelque chose qui va être perdu ou de raconter quelque chose qui va être sauvé. Alors on peut enchaîner tout de suite. Alors je vais vous donner un exemple. Zola, en fait, comment il perd ses amis, quoi, clairement, voilà, en s'emportant. Et à la rigueur, du coup, je vais carrément enchaîner, comme il a le droit de raconter ce qu'il perd, je vais carrément enchaîner avec la rupture avec Cézanne. En fait, Zola écrit un jeu de rôle qui s'appelle L'œuvre. Comment il le présente. Il le présente à Cézanne et il fait regarde. Donc là, on commence à être. Zola est bien lancé dans sa carrière. Il est académicien, donc il reçoit Cézanne. Bon, Cézanne, sa carrière n'a pas du tout décollé. Hein. Il a continué à produire des jeux, mais il a pour ainsi dire jamais vendu un seul jeu, quoi. Donc il vit de misérables rentes. Et donc Zola le reçoit dans sa demeure. Hein. Zola, en fait, Zola est opulent. Hein. Ses jeux se vendent bien. Il a une excellente réputation. Il prévoit de se lancer dans la politique. Et Zola, en fait, donc le reçoit. Il est en costume d'académicien. Il lui présente l'œuvre. Donc il y a quelques domestiques qui arrivent, qui se déguisent en fait comme des personnages de son jeu de rôle. Et en fait, il raconte, oui, dans l'œuvre, on joue des peintres maudits. Et donc les joueurs devant Cézanne et Zola se mettent à peindre des tableaux. Et il y a divers figurants qui arrivent, tels que des huissiers qui emportent tout le contenu de l'atelier, des critiques. Il y a même un critique qui ressemble beaucoup à Charles Baudelaire et qui raconte beaucoup de mal, qui raconte beaucoup de mal des tableaux que produisent les personnages. Et ainsi de suite. Et vraiment ce que l'art que les personnages sont amenés à faire dans leur peinture, quelque chose à la fois primitif, complètement nouveau, extrêmement personnel, singulier, furieux. On les voit, ils donnent des coups de pinceau rageurs, ils étalent la couleur avec force et en même temps de façon complètement brouillonne, désordonnée. Et en fait, la partie continue et tout va de mal en pis. Tel personnage en fait se retrouve à perdre son enfant parce que l'atelier dans lequel il habite n'est pas chauffé. L'enfant meurt de froid et en même temps il meurt aussi d'être délaissé parce que son père passe tout son temps à la peinture, quoi. Et en fait on voit le peintre qui peint son enfant mort. Et là, Cézanne n'a rien dit. Il a regardé la partie, il a joué, mais il a fait aucun commentaire, quoi. Il attend la fin de la partie. Et donc Zola, avant de lui dire, ah, attends, ah, tu vois, t'as vu, regarde, ça y est, j'ai enfin touché là, ce jeu, comment? Je te dois beaucoup parce que je t'avouerai que ce jeu, je me suis inspiré de toi, je me suis inspiré de ta vie. Et aussi, je me suis inspiré du vide fertile. Tu ne trouves pas que le vide fertile est à l'œuvre dans ce jeu? Ça y est, j'ai enfin rédigé. Voilà, j'ai produit un jeu où il y a le vide fertile. Tu t'as vu tout ce qui a poussé, cette espèce de fatalité invisible qui a poussé les personnages vers leur perte. Et en même temps, sans pour autant leur demander de jouer la perte en pleine conscience, quoi. Ils ont continué à pouvoir se battre et ils ont atteint certains objectifs aussi. Tu sentais comme c'était organique. Et là, Cézanne gueule, fait non mais tu te fous de ma gueule. Tu regardes, tu m'as humilié. Tu prétends t'inspirer de ma vie. Alors c'est comme ça que tu vois ma vie, c'est comme ça que tu me vois. Tu m'as humilié. L'art n'excuse pas tout, Zola. Il n'excuse pas tout. Et en fait, il donne un coup. Là, Zola s'énerve. Attends, tu crois que les gens t'intéressent à ta petite vie de merde? L'art est plus important. Tu crois que les gens vont dire, on se moque de Cézanne ou ça? Personne ne sait qui tu es. Là, Cézanne n'en peut plus, quoi. Il frappe. Il frappe Zola, quoi. Il lui pète la lèvre. Et puis il part comme ça en courant, excédé. Alors d'une chose, ce qui se passe, c'est que Cézanne pioche un jeton, Zola en repioche un aussi, parce qu'ils ont vécu un événement bouleversant. Et on a raconté en fait comment Zola a perdu quelque chose. Sand ne savait pas ce qu'elle... Ne savait pas encore ce qu'elle allait perdre. Et à la rigueur, je vais le jouer justement aussi. On va jouer une autre scène de rupture en fait. Ah mince, désolé, je vous dévoile un petit peu mes plans machiavéliques. Sand dit à Zola, on va jouer aussi notre événement bouleversant. Et là, Zola dit, ah oui, c'est censé te demander en mariage. Alors, le jour de Zola prend un petit temps à réfléchir comment ce serait possible. Et puis, effectivement, bon, alors, parce qu'en plus, Sand est en couple avec Frédéric Chopin. Alors, Sand précise, oui, c'est vrai que je suis en couple avec Chopin, mais Chopin est un amant ombrageux, jaloux, possessif, ce qui est quand même assez. Ce qui me contrarie finalement, parce que moi-même j'ai toujours dit que j'étais contre le mariage. J'ai eu de nombreux amants. Et là, avec Chopin, je sens que Chopin veut m'enfermer dans une relation. Et je pense que Zola a vu ça, que Chopin, entre guillemets, c'est pas qu'il traite mal Sand, mais il traite pas Sand. Enfin, Sand n'est pas une femme comme les autres et il devrait la traiter autrement, quoi. Et donc Sand vient rendre visite et de passage à Paris pour présenter son nouveau jeu de rôle. Enfin, elle présente aussi la réédition d'un ancien jeu de rôle qui s'appelle Indiana, un jeu d'aventure et de passion qui défraie la chronique. Et donc elle va, comment, Zola l'invite dans un grand restaurant, elle accepte. Et Zola fait, ah quand même, je t'ai jamais dit quoi, mais j'ai quand même vraiment un grand respect pour tous les jeux de rôle que tu as créés, toutes ces aventures, c'est vraiment formidable. Et puis pour la femme que tu es, surtout indépendante, belle, novatrice, tu es la meilleure d'entre nous. Et là, évidemment, il sort une bague et il fait, Georges, veux-tu m'épouser? Et la Sand, en fait, Sand lui met une baffe. Lui met une violente baffe, elle fait, attends, je sais pourquoi tu veux ça, parce que tu penses que tu m'aimes, parce que tu aimes mes jeux. C'est vrai aussi que on a joué ensemble à un jeu épistolaire, donc c'est un jeu que George Sand a sorti. C'est un jeu de rôle de passion et de voyage. Et elle a eu une relation épistolaire avec Zola, où ils ont joué ensemble à ce jeu, quoi. Mais en même temps, tu veux m'épouser pour me dominer, parce que tu penses tout faire mieux que les autres, et notamment faire tout mieux que moi. Tu crois être le seul capable d'écrire des bons jeux de rôle. Je veux pas être dans cette relation avec toi. Je préfère encore Frédéric Chopin. J'en ai assez. Et Zola fait non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, c'est la femme que j'aime et pas l'auteur. Ouais, bien sûr, l'auteur, je ne suis que la grosse vache, comme dit Flaubert, quoi. Je suis tout juste bonne à capable de pondre des jeux de 4 sous pour des feuilletons, c'est ça? Non, non, pas du tout. Et en fait, ils n'arrivent pas à s'expliquer, quoi. Et là, George Sand fait, reconnais qu'il y a du vide fertile dans mes jeux. Reconnais qu'il y en a. Mais non, mais comprends le vide fertile. Il y a très peu de jeux qui ont du vide fertile, peut-être les jeux de Balzac, et encore pas tous. Et oui, certains de mes jeux ont du vide fertile, mais c'est tout. Là, Georges Sand n'en peut plus, elle quitte le restaurant avec armes et fracas. Elle abandonne Zola avec sa bague. Donc du coup, George Sand repioche un jeton, hein, parce que du coup, il y avait un événement bouleversant. Bon bah Zola, il en est aussi à 4. Donc George Sand a raconté ce qu'elle a perdu, en fait. Bah, qu'est-ce qu'elle a perdu? Bah elle aussi, en fait, elle a perdu ses amis, quoi. C'est-à-dire qu'elle a perdu l'amitié qu'elle avait avec Zola. Alors on peut, contre cette règle de perdu ou sauvé, il y a certaines joueuses qui peuvent ne pas aimer en fait. Qui peuvent ne pas aimer. parce que ça les fait sortir de leur personnage. Je te dis, bah, vas-y, raconte quelque chose que tu as, que tu perds, ou quelque chose que tu sauves. Elles peuvent se sentir obligées finalement de sortir de leur personnage pour raconter des choses en surplomb. Donc ça vous pouvez contourner de plusieurs façons. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le, vous n'êtes pas obligé de raconter tout de suite. Vous pouvez attendre. Vous savez que vous allez avoir à le raconter, mais ça se trouve ça va arriver plus tard de façon organique dans la partie. Vous pouvez aussi dire, bah non, j'ai rien sauvé, j'ai rien perdu finalement. Vous pouvez changer de ce qui était prévu. Je pensais que je perdrais ça, mais en fait c'est ça que j'ai perdu. Ou si vraiment ça vous pose problème, vous pouvez carrément ignorer cette règle et continuer à raconter comme d'habitude, comme avant, quoi. Donc ça, c'est à vous de le sentir, de le sentir par rapport à bah, comment vous aimez jouer un personnage, quoi. Je ne peux pas le savoir à votre place. Alors, on va jouer une autre scène. Alors, Émile Zola, en fait. Il a déjà eu ses 4 jetons, donc il aurait le droit de, il aura le droit de raconter, il a déjà raconté ce qu'il a perdu, donc il aura raconté ce qu'il a sauvé. Et il ne peut plus prendre de jetons. C'est-à-dire qu'il continue à jouer, mais il prend plus de jetons. Il peut encore en donner, hein, par contre. Donc en l'occurrence, notre ami Zola va voir Victor Hugo. Victor Hugo est à l'Opéra de Paris et qu'il a investi pour mettre en place son nouveau jeu de rôle qui s'appelle La Légende des siècles. Donc là, Victor Hugo, évidemment, est déjà âgé, quoi. Il est au faîte de sa gloire, quoi. Donc l'homme habillé en noir, sobrement, avec sa barbe blanche, un peu vraiment le patriarche. Donc Zola va quand même le voir avec un profond respect, hein, pour la personne. C'est le maître, et c'est le maître depuis longtemps, hein. Hugo, dès sa jeunesse, était déjà le maître. Et Hugo fait, regarde mon nouveau jeu de rôle, La Légende des siècles, ça va être formidable. Et en fait, il y a tout un tas d'acteurs et d'actrices en costume, et des décors immenses dans l'opéra, quoi, peints, tu vois. Et il fait, c'est ça en fait le nouveau modèle du jeu de rôle. Avant, on faisait en feuilleton et tout, on tirait les jeux à des milliers d'exemplaires. Mais le problème, c'est qu'on était limité, du coup, on était obligé de faire des jeux de 4 sous, un petit peu, quoi, pas cher. Maintenant, regarde, La Légende des siècles, c'est un jeu que j'ai fait, en fait, il est financé par 200 familles aristocrates. Et là, je peux faire quelque chose de vraiment à la mesure de mon talent. J'ai carte blanche. Et en fait, il montre, voilà, désormais. Le maître de jeu n'a plus besoin d'incarner lui-même tous les figurants. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui jouent un acteur pour chaque figurant. Et donc, La Légende des siècles, c'est un jeu de rôle où les personnages vont voyager à travers l'histoire. Je vais pouvoir mettre en œuvre tous mes talents de conteur. Alors là, évidemment, Victor Hugo raconte des morceaux d'histoire. Enfin, là, il parle comme un livre, hein, évidemment. Tout à comment. Alors, il romance tout à fond, quoi. Et donc on voit défiler des figurants habillés en centurion romain, en paysanne, en costume de Louis XIV et ainsi de suite. Regarde les rois, les manants, les monstres, les beautés. Et puis il y a des décors grandiloquents, magnifiques. Hein, il investit l'opéra, et en fait il y a des chants, les figurants en fait chantent au lieu de parler, ils chantent comme à l'opéra, quoi. C'est-à-dire que dans tout le jeu, les figurants s'expriment en chantant. Donc c'est un truc vraiment avec un budget énorme, quoi. Et l'idée c'est que chaque famille en fait vient jouer. Donc il y aura 200 représentations, une par famille qui a financé, quoi. Bon, même s'il y aura beaucoup de familles qui viendront pas, qui ont juste payé pour avoir les décors, mais ils n'auront pas le temps de jouer, quoi. Et puis, voilà, le maître de jeu n'a aucun effort à fournir. Tout est fourni d'avance, toute l'intrigue se déroule sous nos yeux, quoi. J'ai fait travailler toute la jeunesse. Il y a Frédéric Chopin qui compose une partie de la musique. Delacroix a peint les décors. Charles Baudelaire est venu hier voir le jeu en avant-première. Il va nous écrire une critique dithyrambique. Toi-même, Émile, je veux que tu fasses partie de l'équipe. Écris des scénarios, écris des figurants pour moi. Travaillons ensemble, main dans la main. Là, le jeu de rôle est en train de devenir quelque chose de vraiment épique. Et je veux que tu en sois. Voilà, évidemment, Zola. Part dans une colère monstre, il fait n'importe quoi, c'est pas du tout ça l'essence du jeu de rôle, il n'y a aucun vide fertile dans ton jeu, tout est téléguidé, aucune liberté pour les joueuses. Ce n'est pas comme ça que je conçois le jeu, en plus tu t'es écarté, toi qui te voulais le défendeur des miséreux, tu fais du jeu pour les riches. Donc il casse tout, les lustres, les chandeliers, il s'énerve, il part comme ça en gueulant. Donc là, Zola a fait une scène complètement gratuite, hein, puisque moi, elle pourrait lui valoir des jetons, sauf qu'il en a déjà eu assez, hein. C'est juste que ça lui paraissait important de montrer un petit peu cette évolution dans le personnage, quoi. Ah si, en même temps, il revient, plus tard, il écrira une lettre à Victor Hugo, en fait, en disant, ce serait bien que tu... Ce serait bien que tu prévois un petit quelque chose pour Cézanne, quoi. Est-ce que tu peux pas l'embaucher? Et Cézanne va recevoir plus tard un petit billet de Victor Hugo, lui demandant de venir travailler pour lui. Et en fait, Cézanne reçoit le billet, il se voit travaillant dans l'atelier de Victor Hugo. Avec Delacroix notamment, et en fait, il trouve ça tellement. Ça le désintéresse tellement, quoi. Lui qui est vraiment un solitaire, quoi. Il est dans l'atelier, il le quitte et il ferme la porte. Donc Cézanne prend un jeton. Enfin, il pense pas à le faire parce qu'il a fait une narration très brève, tu vois. Mais la joueuse de Sand estime que ce qu'il a fait, c'était fort. Elle donne donc un jeton à Cézanne. Donc Cézanne est à 3. Alors Cézanne n'a encore pas raconté ce qu'il avait perdu ou gagné. Cézanne décide de raconter l'événement bouleversant qu'il avait prévu de vivre avec Zola. Alors je respecte pas la chronologie. C'est-à-dire que j'ai dit que Cézanne et Zola étaient brouillés. Et là, je raconte une scène qui s'est passée avant. Alors, c'est vrai que dans le jeu écrit, je parle pas que. Une fois, j'ai de respecter la chronologie. Du coup, j'en profite à l'oral pour vous le dire. Ouais, franchement, la chronologie, vous vous en foutez, quoi. Si vous avez une scène importante à placer, même si vous trouvez que c'est à contre-temps, faites-le, quoi. Placez-la, quoi. Cézanne qui fait jouer. Il fait jouer. Un de ses jeux, en fait. Il fait jouer un de ses jeux à Zola. C'est un jeu qui s'appelle La Montagne Sainte-Victoire. Dans La Montagne Sainte-Victoire, en fait, on joue des personnages qui partent faire une randonnée vers une montagne. Et en fait, à chaque chemin, à chaque détour, la montagne a un aspect différent. Et donc il a mis en place tout un tas de petits tableaux où il présente la montagne Sainte-Victoire, c'est la montagne de son enfance, quoi. Il présente la montagne Sainte-Victoire sous plein d'angles et de saisons et de lumières différentes. C'est des tableaux tout petits, très simples, presque abstraits et en même temps très intenses. C'est impossible, même pour, à la rigueur même pour Zola, c'est impossible de voir que c'est génial. Parce qu'au contraire, ça ressemble vraiment à des croûtes, quoi. On se dit, ça a été fait par un peintre handicapé mental, quoi. C'est pas possible, quoi. Et puis pourquoi toujours peindre la même montagne? C'est pourquoi t'as une telle obsession, quoi. Et en fait, ils jouent ensemble, ces randonneurs qui s'aventurent dans la montagne. C'est vraiment étrange parce qu'ils vivent une aventure sans la vivre. Ils montent ensemble la montagne. Alors en plus, il n'y a pas les dés qu'affectionne Zola. On demande de raconter des choses. Et puis, dans une espèce de détour de palette de couleurs frustre jetée à la va-vite, cette espèce d'odeur de peinture forte, dans cette espèce de Provence imaginaire où on entend les cigales. En fait, Zola voit, il voit quelque chose, quoi, d'une espèce de tourbillon une tourbillon de peinture grasse. Espèce de soleil qui est peint au-dessus de la montagne Sainte-Victoire, et il voit en fait le vide fertile. Il y a un vide fertile dans ce jeu, quoi. Il n'arrive pas à dire pourquoi, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça provoque dans le comportement des randonneurs, quoi. Mais il sent que le vide fertile est là. Et à la fin de la partie, Cézanne, comment. Cézanne demande à Zola ce qu'il en a pensé. Zola fait oui, c'est bien. C'est vraiment très bien. Mais regarde ton jeu. Enfin, t'as pas écrit grand-chose. T'as pas beaucoup de notes. Est-ce que vraiment quelqu'un d'autre que toi serait capable de faire jouer ce jeu? Ça, je l'ignore. J'ai l'impression que le jeu ne peut pas se passer de toi. Et Cézanne se rembrunit, dit rien. Et Zola quitte l'atelier de nuit. Il regarde la lune et la lune a l'air comme peinte avec des taches grasses. Et Zola quitte l'atelier froid, sans chauffage. Quitte l'atelier de Cézanne avec dans le cœur une immense et lourde tristesse. Là. La tristesse d'avoir menti. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé reconnaître. Que oui, c'était possible qu'il y ait du vide fertile dans ce jeu, quoi. Même si c'était en contradiction avec tout ce qu'il pensait sur le vide fertile. Et donc là, on a raconté en fait ce que Cézanne a sauvé, c'est que effectivement, Cézanne arrivera à atteindre le vide fertile, quoi. Zola raconte vite fait une scène où il explique à Charles Baudelaire ce qu'est le vide fertile. Baudelaire commence à s'y intéresser beaucoup. En plus, il fait un peu moins de critiques et il s'est essayé lui-même à la création de jeux de rôle. Il a écrit un jeu de rôle sulfureux qui s'appelle Les Fleurs du Mal, qui lui vaut un procès pour censure, quoi. Un procès pour obscénité. Et donc Zola explique qu'ils sont dans un café à Montmartre. Il y a des peintres dans la rue qui peignent. Cézanne, il n'y a pas si longtemps, y était avant qu'il se claquemure dans son atelier. Et Zola a fait. Voilà, par exemple, dans mon jeu Germinal, où on joue des mineurs en lutte contre les patrons de la mine, il y a un vide fertile, quoi. Et donc il fait jouer Baudelaire à Germinal, quoi. Ils sont ensemble, il y a George Sand qui est venu jouer aussi. Ils sont ensemble dans la mine, quoi. Le personnage de George Sand est en train de mourir parce qu'il y a un effondrement de galerie. Le personnage de Baudelaire s'est révolté contre les patrons de l'usine. Il est mort aussi, suite Zola. Et on essaye de réanimer le personnage de Sand. Comment il y a eu un coup de grisou, quoi. Et là, il explique, vous voyez là, dans ce coup de grisou, il est là, le vide fertile. Il y a quelque chose qui nous a poussé à vivre toute cette tragédie. C'était pas écrit en noir sur blanc dans le jeu que on se révolterait, qu'il y aurait de la fatalité, qu'on essaierait de se battre pour garder l'humanité, mais qu'en même temps on resterait des bêtes. Et Zola s'emporte. Genre, je sens de haut ses épaules, l'air de dire, ouais, ok, t'es encore dans ton truc, évidemment, il n'y a que toi qui sais faire des gîtes fertiles. Elle fait, moi pourtant, les câbles, les ficelles, les coulisses, je les ai vues, quoi. Elle montre dans la galerie, elle voit des. Comment, il y a des sortes de machinistes avec des costumes noirs pour qu'on les voit pas trop, qui font avancer des décors, quoi. Ah, moi j'ai bien vu les ficelles, je sais pas s'il y a du gîte fertile, quoi. Puis Charles Baudelaire, par contre, boit les paroles de Zola, il prend plein de notes. Donc la postérité ne dira pas qui des deux a raison, quoi. Autre scène, cette fois, qui met en scène George Sand. George Sand est avec Chopin, elle lui fait jouer à son dernier jeu. C'est un jeu, pourrait presque dire à l'eau de rose, en tout cas c'est un jeu où il est question de passion amoureuse contrariée, quoi. Elle joue avec Chopin tout en jouant en fait, bah, elle joue du piano aussi, hein. Il fait la musique. Ils s'échangent des cartes, c'est des cartes de peintres, c'est des cartes peintes par milliers avec des tableaux ruraux simples et sincères, quoi. Et puis donc elle joue son personnage connaît une idylle avec le personnage de Chopin et donc ils sont en train de jouer cette idylle. Les personnages dansent un bal en fait, un bal champêtre, un bal de la Saint-Jean. Ils dansent ensemble. Le personnage de Chopin le lendemain partira à la guerre quoi, donc ils se verront peut-être plus jamais quoi. Tout ça a été un peu amené par le jeu. On a été surpris, on s'y attendait pas. Ça n'a pas été forcé quoi. Et puis elle danse elle danse avec Chopin et en fait elle se retrouve à danser avec Alfred de Musset alors qu'ils sont encore tous les deux jeunes et magnifiques. Ils dansent dans le théâtre où aura lieu le lendemain la première de son jeu de rôle Lorenzaccio. Et là elle est prise d'un sentiment terrible. Et en fait elle voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en fait nulle part. Et elle comprend que dans son jeu il y a un vide fertile. Il y a quelque chose qui pousse les joueurs à utiliser leurs souvenirs personnels pour les remettre en jeu, quoi. Et elle se rend compte en fait que malgré elle, elle est en train de danser avec Alfred de Musset, puis elle lui explique, malgré elle, elle a évoqué ce souvenir, elle fait Alfred, tu me manques. Et elle a évoqué ce souvenir, elle l'a remis en jeu, et ça c'était involontaire de sa part, ça a été provoqué par le vide fertile, quoi. Et Alfred lui fait silence, mon amour. Profitons juste de cette dernière danse. Et on entend comme un grand tremblement, une aspiration, et les coulisses du théâtre sont en train de trembler, et tout s'effondre lentement. Des statues grecques, des rideaux, des poulies, des tableaux, des chandeliers. Et George Sand et Alfred de Musset, dans leur jeunesse, dans leur fougue, pâles comme des statues éclairées à la bougie, ils dansent ensemble leur dernière danse. Donc là, George Sand a largement eu le droit de. Elle a largement eu le droit de piocher son dernier jeton, et pour raconter quelque chose qu'elle a sauvé, se contente de paraphraser quelque chose qui s'est passé, c'est fait. Au final, je vais tout perdre. Parce que je vais aussi perdre Chopin. Et puis, finalement, ma liberté, ma fougue, bah ça, je vais le perdre aussi, tout simplement parce que je vais vieillir. Mais ce que j'ai sauvé, c'est le souvenir. Le souvenir d'Alfred, le souvenir qu'avec lui, on a été les amants du siècle. Donc Cézanne prend le train. Il prend le train pour rentrer en Provence parce qu'il a plus d'argent pour continuer à vivre à Paris, puis parce qu'il en a marre de la vie parisienne, des mondanités, il en a marre que personne n'achète ses jeux de rôle. Sous le bras, il a juste pris une toile nerveuse qu'il a peinte dernièrement, le croquis d'un nouveau jeu, quelques notes griffonnées. Hein. Il part, il regarde par la vitre et il voit une personne courir, quoi. Et il voit Zola en fait qui court pour pouvoir dire adieu à son ami, son frère, quoi, et qui agite les bras. Et Cézanne fait juste un tout petit geste de la main et il part, quoi. Cézanne dans le train qui l'amène en Provence, il imagine un jeu où justement on joue des aventuriers dans le train, quoi. Et par les vitres en fait du train, il voit des paysages peints à la va-vite, avec des grands traits nerveux, électriques. Le soleil et les nuages sont comme des boules de feu dans le ciel. Les arbres ont des couleurs artificielles. Tout est fauve, primal. Et en fait, Cézanne, ce qu'il a perdu, lui, il a tout simplement perdu la raison, quoi. Aspiré dans ces boules de feu électriques qu'il est en train de peindre mentalement dans le décor, quoi. Et y a tous ces. Il voit arriver dans le train tous les figurants, tous les personnages de jeux de rôle qu'il a imaginé, mais sans pouvoir vraiment les préciser, les dire, quoi. Et en fait, ce qu'il voit, c'est à la fois ces personnages et les personnages qui seront inventés par ceux qui s'inspireront plus tard de lui. Donc, il y a des arlequins, il y a des femmes, comment, des femmes, des demoiselles d'Avignon, au visage éparpillé. Il y a des paysages géométriques. Et toutes ces choses cubistes et surréalistes qui doivent tellement à Cézanne. Et Cézanne les voit et en fait, il a oublié qu'il est en train de créer un jeu, il se croit dans la réalité. Et en fait, ce qu'il a perdu, voilà, il a perdu la raison, il a perdu la raison. Il a perdu la raison aspirée par des boules de feu électriques et incandescentes et colorées, les boules de feu du vide fertile. Dernière scène avec Zola. Vous avez compris que le joueur de Zola, c'est celui qui avait amené cette idée, hein, donc il a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc même si, enfin, de toute façon, là tout le monde a eu ses quatre jetons. Tout le monde a raconté ce qu'il a sauvé, ce qu'il a perdu. Donc le jeu est censé s'arrêter. En fait, chacun est juste censé raconter, rajouter un dernier mot s'il en a besoin, quoi. Donc le dernier mot de Zola, c'est je suis à la fin de ma vie, je suis au faîte de ma gloire, c'est après l'affaire Dreyfus où je me suis illustré en tant que défenseur des opprimés. Je suis avec ma femme, celle que j'ai épousée par dépit suite au refus de Sand. Et donc je suis dans mon lit, j'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'en fait, j'ai une nouvelle idée de jeu de rôle, justement un jeu où on jouerait des défenseurs des opprimés et je vois défiler des grandes figures politiques que je convoque à mon chevet. Et je vois par là, je regarde ma cheminée et je vois une espèce de tourbillon noir, immense. Je le vois enfin, celui que j'ai cherché toute ma vie, que j'ai souvent prétendu trouver, mais sans jamais y arriver vraiment. Et là, je le vois enfin dans un grand tourbillon. Je vois le vide fertile. Et en fait, c'est la dernière chose que Zola voit, puisque en réalité, sa cheminée est bouchée, et il est en train, avec sa femme, de s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Et donc, ce sont là, en fait, la dernière vision d'un mourant asphyxié. Hop, un petit bouchon. Toi, tu m'as fait une petite blagounette là. Mais bon, c'est ma faute. Tac, je reviens. George Sand ne voit rien ajouter. Donc elle dit bah pour moi c'est bon. Et Cézanne va être très bref. Il est rentré en Provence, il voit plus personne. Il peint de façon compulsive des montagnes Sainte-Victoire. Et au pied de la montagne, il prétend d'ailleurs qu'il a arrêté de faire du jeu de rôle, qu'il se consacre uniquement à la peinture. Et au pied de la montagne, il décide deux silhouettes qui montent la montagne côte à côte. Donc voilà, c'est la fin de cette partie du témoignage. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer les règles tout en les distillant dans une aventure. J'ai peut-être même mis trop d'exemples que plus d'exemples que c'était nécessaire, mais pour moi c'était important de vous montrer une aventure dans son ensemble. J'essaie de vous montrer que c'était quelque chose d'assez singulier. Et voilà, j'espère surtout vous avoir donné envie, tout simplement. Et là-dessus, ben, je vous souhaite de bien jouer à votre tour. Si vous avez des retours de partie du témoignage, je serais très heureux de les entendre. Même juste quelques mots me suffisent. Si vous avez le temps, un rapport de partie entier ou une partie enregistrée, c'est vraiment le bonheur, quoi. Et donc, voilà, je vous souhaite tout le bien. Vous aussi témoigner, rencontrer des choses bizarres, étranges, des horreurs, des beautés et des mystères qui vous dépassent. Au revoir.